show you how to use it. Come on, we'll get what you mind at ease. Less conversation, a little more action. All this aggravation, satisfaction in me. Bonsoir à tous, bienvenue dans la Red Arc du Sport sur Radio Arc-en-Ciel. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle année. Meilleurs voeux à tous, bonne année à tous. Et très heureux de vous retrouver pour une nouvelle année sportive avec plein de rendez-vous cette année. Évidemment, on va y revenir, bien sûr, il y aura beaucoup de choses cette année. On va avoir des premiers rendez-vous de ce mois-ci avec l'Euro de handball qui va démarrer la semaine prochaine. On aura également cet été l'Euro de football, bien sûr. On aura les Jeux Olympiques, bien entendu. Plein de beaux rendez-vous donc cette année qu'on va vivre ensemble. Évidemment, on va commencer cette émission avec le programme de la soirée. On sera avec Hugo dans un peu plus d'une demi-heure pour la page football, bien sûr, comme chaque semaine. On aura plaisir de retrouver. On aura, pour avant tout ça, on aura bien sûr l'actualité. Actualité sport d'hiver. On reviendra sur l'étape de biathlon du week-end, la victoire hier des Françaises lors du relais. C'était donc hier lors de l'étape donc qui nous intéressait du côté de la Coupe du Monde de biathlon à Oberhof donc en Allemagne. On reviendra aussi sur la victoire des Norvégiens chez les garçons et puis également les belles performances des Françaises des étapes de la semaine. Voilà le programme pour les sports d'hiver. On aura également l'actualité en handball, voilà, où les filles donc ont repris, que chez les garçons bien sûr l'Euro qui arrive, on va reparler de cet Euro qui se profile à l'horizon. On aura aussi du basket avec l'actualité également de l'OLB, voilà, qui pour l'instant est en pause. On reviendra sur les dernières journées qui se sont déroulés, le programme aussi à venir début janvier. Voilà, il y aura une petite pause encore jusqu'à la semaine prochaine. Voilà le programme, donc on en parlera juste après. On aura aussi également tout à l'heure du tennis. Ça y est, la saison repart avec malheureusement la première information, c'est le forfait de Rafael Nadal pour l'Open d'Australie. Voilà, qui a une petite alerte, on en parlera sur son tournoi de la semaine passée. Voilà, malheureusement, il n'a pas pu et il ne pourra pas être présent sur cette étape, cette première étape de l'année en Australie. Et on reviendra sur toutes les autres, tous les autres tournois de la semaine. Et bien sûr, l'Open Australie qui se déroule la semaine prochaine, on en parle et qui se profile très très vite. On aura aussi du rugby, voilà, avec la suite du top 14. Et puis évidemment la page football avec la Coupe de France, le tirage au sort qui a été effectué il y a quelques minutes à peine et on l'a appris. Le tirage au sort a été favorable ou pas à Orléans, puisque Orléans recevra le Paris Saint-Germain. Voilà, en tout cas une belle affiche pour eux. Voilà, pour l'instant une inconnue, c'est le lieu évidemment de rencontre de cette rencontre, puisque si Orléans recevra, est-ce que ce sera à la source ou pour le moment la pelouse, on le sait, n'est pas en tout cas posée, la nouvelle pelouse n'est pas arrivée. voilà les autres possibilités avec peut-être le stade démonté hein, où d'ailleurs avait déjà lieu le 32e de finale remporté par Orléans, voilà, ou voilà, une capacité de 2000 places seulement, donc voilà les possibilités peut-être dans un stade plus grand un peu plus tard. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, bien sûr. Ce sera donc tout à l'heure la page football avec aussi le reste de l'actualité en Europe, dans les autres championnats. Voilà, ce sera juste après. Et puis, bien sûr, pour finir, l'autofoot et le retour de la Ligue 1 ce week-end. Voilà le programme qui nous attend. Et puis, les directs, indirects pour être précis, puisque un seul match ce soir, ce sera en Angleterre et ce sera la Cup. La fin du troisième tour de cette cup qui verra s'affronter Wigan et qui recevra le club de première division de première ligue Manchester United. C'est donc le dernier match de ce tour, sans compter bien sûr les replays. On rappelle en cup on rejoue un match en cas de match nul, donc il y a énormément de matchs qui seront rejoués la semaine prochaine dans le cadre de ces fameux replays. On en parlera bien sûr aussi tout à l'heure, mais sinon ce dernier match Wigan Manchester United, ce sera à partir de 21h15 pour le direct. Voilà, ce sera sur Bein Sport 1 d'ailleurs pour suivre cette rencontre. Voilà le programme donc ce soir, voilà les directs qu'on va suivre. Des sons, bah, bien sûr vous choisissez comme d'habitude. Sur le Facebook, ça se passe, l'arrêt d'Arc du Sport. Vous pouvez nous joindre au 602-38-434-800. Pour nous écouter, je rappelle, radio-arc-en-ciel.com. Voilà, tout, vous savez tout. On marque une pause et on revient juste après. Le temps pour moi de vous préparer la suite de ce programme. Et puis, je vous le dis, dans une grosse demi-heure, Hugo avec nous pour la page foot. Plein de choses à dire, donc on va pas perdre de temps. On démarre avec un premier titre, c'est Queen que l'on écoute tout de suite. Avec ce titre, You Don't Fool Me, on écoute ce premier titre et on revient juste après pour la première partie. Il est 20h41, vous écoutez Arc-en-Ciel, à tout de suite. You don't fool me. You don't fool me. You don't fool me. C'était Queen à l'instant, You Don't Fool Me, pour ce premier titre de la soirée. Si vous nous joignez, il est 20h46, on est en direct sur Arc-en-Ciel pour la Red Arc du Sport. On vous retrouve pour cette nouvelle année, première émission donc de cette année. On est ensemble jusqu'à 22h30 minimum, avec tout à l'heure le retour aussi de Hugo qui nous rejoindra pour la page foot. Avant tout cela, bien sûr, on va démarrer notre programme. Le temps de vous rappeler donc côté sport mécanique, on a aussi le début du Dakar, on en parlera juste après. D'abord un point sur tout ce qui est sport d'hiver, avec d'abord les Coupes du Monde de ski alpin, avec notamment deux épreuves qui se sont déroulées ce week-end. Samedi, le géant remporté par Marco Odermatt, le Suisse, et hier c'est Feller, Manuel Feller, l'Autrichien, qui s'est adjugé le slalom. Résultat du classement, Odermatt conserve la tête avec presque 300 points d'avance sur Marco Schwartz, l'Autrichien. Alexander Kiel, Norvégien, est troisième. Les Français sont assez loin au général. Cette semaine, direction la Suisse, Wengen, avec trois épreuves. Descente, Super G et slalom pour finir le week-end. Donc chez les hommes, chez les femmes, ce week-end on était en Slovénie, deux épreuves également au programme. Un géant remporté par la Canadienne Valérie Grenier, Laura Gutt, la Suissesse, deuxième. Brignonnet, l'Italienne, termine troisième. Les Françaises sont plus loin, à la 11e place. Et le slalom hier remporté par Petra Vlhová, qui s'adjuge ce slalom. Les Françaises sont 8e. Cette semaine, rendez-vous en Autriche pour trois épreuves également. Super G deux fois et une descente au programme. Et en général, c'est toujours Michaela Schifrin qui est devant, malgré pour le moment une petite période sans victoire, mais voilà, elle avait remporté deux épreuves il y a 15 jours, donc elle est toujours en tête, hein, 200 points d'avance sur Petra Vlhová. Troisième place pour Frederica Brignone, l'Italienne. Donc pour l'instant, tout va bien pour l'Américaine. Autre épreuve qui se déroulait ce week-end, c'était le biathlon, avec l'étape d'Oberhof en Allemagne, qui ça a été depuis quelques années maintenant dans le calendrier de cette Coupe du Monde de biathlon. Victoire de l'Allemand Benny Wigdol sur le sprint homme. À noter, encore une fois, les Norvégiens au rendez-vous. Lagred, Stromsheim, Johannes Bø, voilà, au deuxième, troisième et quatrième place. Les Français sont très loin, puisque Quentin Firmier est seulement 14e. Et ensuite, on avait également la poursuite femme remportée par Julia Simon. Le sprint d'abord, le sprint femme remporté par Justine Brezaz. Elle est auteur d'un 8 sur 10 seulement, mais largement en tête sur les skis, et qui lui permet de prendre cette première place. Sophie Chauveau, jeune Française, troisième, de ce sprint. Et puis les poursuites, on y vient. Donc Julia Simon remporte ce sprint devant Justine Brezaz, mais aussi avec quelques erreurs. Mais sur les skis, les Françaises ont fait le boulot pour terminer aux deux premières places. Chez les hommes, Eh bien, c'est les Norvégiens qui ont trusté les premières places. 5 Norvégiens en 5 premières places. La première place pour André Stromsheim. On a ensuite la deuxième place, Ligred. Sola Grey, donc notre Norvégien. On a ensuite Johannes Dalé, Tarje Bø et Johannes Bø, cinquième donc de ce classement. Fabien Claude, premier français, et sixième de cette poursuite. Et puis enfin les relais hier. La France remporte le relais chez les femmes, voilà, avec un quatuor français bien au rendez-vous. La Norvège deuxième, la Suède prend la troisième place. Chez les hommes, en revanche, encore une fois carton plein de la Norvège, qui s'impose avec plus de 2 minutes d'avance sur l'Allemagne deuxième, l'Italie troisième, la France loin, septième seulement, 5 tours de pénalité, notamment avec Émilien Jacquelin, pas très adroit sur le tir, un petit peu en délicatesse hier, en tous les cas assez loin sur ce relais. Nouvelle épreuve cette semaine, hein, Ruppolding au programme. Voilà, on enchaîne comme d'habitude. Les deux épreuves en Allemagne, hein, Oberhof et Ruppolding, au programme donc cette semaine. Je vous en dis plus dans un instant avec le programme donc de cette semaine, hein. On va avoir donc au programme jeudi, le temps de retrouver tout ça. Jeudi, c'est ça. On aura d'abord un premier relais, donc relais mercredi pour les femmes. Un nouveau relais, donc mercredi 14h30 pour les femmes, jeudi le relais chez les hommes, là aussi à 14h30, vendredi rendez-vous pour le sprint femmes, là encore à 14h30, samedi ce sera le sprint homme toujours à 14h30, et puis dimanche les poursuites, donc 12h30 pour les femmes, 14h45 pour les hommes. Voilà, ce sera le même programme, hein, que cette semaine finalement, sprint, poursuite et relais, là, c'est juste que les épreuves sont inversées, mais sinon on va retrouver le même programme qu'à Ruppolding. Et puis un petit peu plus tard, on aura bien entendu les championnats du monde aussi, qui vont nous intéresser à Novi Mesto début février. Mais avant cela, il y aura une dernière étape en Italie pour clôturer cette première phase. Voilà donc les résultats en sport d'hiver. Un petit mot, je vous le disais il y a quelques instants, côté sport mécanique, avec donc le Dakar qui a démarré, hein, le rallye Dakar, avec pour le moment, on rappelle que toujours Sébastien Loeb qui est toujours engagé, hein, cette année, pour le moment qui a un petit peu de retard, hein, il a eu quelques pépins encore aujourd'hui avec des crevaisons, puisque pour le moment il n'est que 9e avec presque 25 minutes de retard, hein, sur l'équipage en tête, composé de Hall, Argy et Gottschalk, qui est l'allemand. Deuxième place pour le moment, c'est Carlos Sainz, l'espagnol, notamment qu'on avait bien connu bien sûr au rallye, qui est deuxième, et Ekström, le suédois, troisième. Alati Al-Qatari, hein, qui est seulement cinquième, hein, qui est toujours, qui sera toujours les premières places également, avec 10 minutes de retard. Et donc, je le disais, Sébastien Loeb, 25 minutes. Et Stéphane Peter Hansel aussi, le français, 8e à 22 minutes. Rien n'est joué, mais voilà, l'écart est là. Donc, il va falloir, évidemment, vite refaire ce retard pour espérer, évidemment, mieux demain. 4e étape. On rappelle, jusque 19 janvier, ce Dakar. Donc on refera un point bien sûr lundi prochain, donc à mi-parcours, voir si nos Français ont pu reprendre un petit peu de retard. Voilà ce point sur le Dakar. On change d'univers avec le handball. On rappelle, le handball, c'est la trêve, hein, pour les hommes, puisque l'Euro va démarrer dans quelques jours, on en parle bien sûr juste après. Avant cela, rappelez que Saran, pour le moment à la trêve, est 15e, hein, sur 16. Seul Dijon fait moins bien. Saran est égalité avec Créteil avec 7 points. La dernière rencontre, c'était on rappelle, au Comet, Arena de Comet, juste avant la trêve, hein, face à Chartres, face aux voisins, avec une belle fête, hein, avec notamment aussi un petit showcase de Gims qui avait lieu juste après cette rencontre. Malheureusement, le score n'est pas là. Victoire de Chartres 35-32 avec un match très accroché en première période, un petit peu moins en deuxième où Sarand aura eu un trou d'air en début de seconde période qui n'aura pas finalement refait son retard et qui s'incline. Et bah, les conséquences au classement, c'est que voilà, il y a une 15e place assez inquiétante pour le moment, et voilà, il y aura cette trêve pour retravailler puisque la reprise ce sera seulement le 10 février, voilà, où Sarand se déplacera à Saint-Raphaël. Sixième, hein, voilà, ce sera là aussi déjà un gros morceau pour reprendre la saison. Et ensuite, bah, Sarand recevra Paris. Donc voilà, autant vous dire que là, c'est déjà deux grosses rencontres pour Sarand. Donc la reprise va être décisive. Et ensuite, il y aura un match crucial aussi à noter à Créteil le 24 février. Qui pour le moment est le concurrent direct de Sarand, donc il sera évidemment très important de bien préparer cette rencontre qui aura lieu juste avant le match, donc juste après le match de Paris, qui d'ailleurs est toujours en tête. Paris, hein, invaincu, 15 victoires en 15 rencontres, voilà, donc bah, pas de soucis de ce côté-là pour les Parisiens. Et deuxième, on retrouve Nantes et Montpellier juste derrière. Et puis un petit point en Ligue des Champions aussi pour pour vous dire qu'à la même parcours, Montpellier est quatrième, tout comme Paris, donc de leur groupe en Ligue des Champions. Chez les femmes, bah voilà, la reprise aussi, après un titre chez les femmes, l'équipe de France, titre mondial, on le rappelle, qui avait remporté ce titre mondial, bah c'était la reprise aussi pour tout le monde après ce titre. On est retourné évidemment dans les championnats respectifs, avec notamment Metz qui a repris le chemin de la Ligue des Champions avec une victoire à domicile d'ailleurs qui leur permet de prendre la deuxième place pour le moment de cette Ligue des Champions. Donc bravo à elle. Et puis dans l'autre poule, Brest qui est cinquième, voilà, de son groupe de Ligue des Champions après une victoire importante. C'était samedi soir, voilà, qui leur permet de grappiller des points importants bien sûr au classement de cette Ligue des Champions. Et puis à noter que Fleury et les Panthères dans National 1 aussi faisaient leur retour à la compétition. C'était samedi soir, déplacement donc pour elle, défaite 25-17. Fleury seulement 9e de ce classement de National 1, assez loin donc du podium. Il restera encore évidemment beaucoup de matchs pour tenter de remonter. La prochaine rencontre pour les Panthères, ce sera samedi, réception de Rennes, voilà, qui est quatrième de ce classement. Donc samedi à 20h15, donc à domicile, salle Albert Auger, donc de Fleury. Voilà, et puis à noter également, pour terminer toujours avec le handball, on parlait tout à l'heure de Sarand, et un petit mot aussi de Gien, on rappelle qu'il était également engagé en National 1 cette année à nouveau, et qui est pour l'instant 11e à la mi-parcours. On rappelle les deux derniers descendent, donc il reste deux équipes derrière pour l'instant. Gien ne fait pas partie de ces deux équipes, donc à eux de rester là pour se maintenir. Là aussi, la trêve qui va s'étendre jusqu'au 3 février, donc il y aura le temps de repréparer cette deuxième partie de saison pour Gien, pour tenter là aussi de rester cette année encore une fois en National 1. La dernière affiche pour Gien, c'était une défaite, hein, le dernier samedi de décembre face au leader, donc assez logique, et il faudra maintenant repréparer cette deuxième partie de saison jusqu'au 3 février, donc pour la reprise de cette saison. Voilà l'actualité du côté du handball. L'euro, je le disais avant de conclure, l'euro qui va démarrer, hein, ça y est, pour les garçons. On rappelle deux matchs de préparation pour l'équipe de France, deux matchs, deux victoires lors du tournoi de France, hein, le fameux tournoi de France qui a lieu chaque année. Victoire d'abord face à la Tunisie 35-26, voilà facilement, et puis une nouvelle victoire aussi face au Brésil, c'était samedi à Nantes, 37-28, là aussi large victoire Donc victoire dans ce tournoi, une nouvelle fois pour les Bleus, sans problème. Donc avec donc notamment l'absence de Nicolas Karabatic, hein, il est ménagé après une contusion au genou gauche. Donc sinon voilà, les autres sont en grosse forme. En revanche, des une liste qui s'est réduite, hein, puisque maintenant le groupe sera à 19 joueurs. Donc notamment Thibaut Brier et Emric Mins en font les frais puisqu'ils ne seront pas avec le groupe donc qui rentre en Allemagne pour cet Euro qui démarre dans deux jours, hein. Mais en revanche, Benoît Kounkoun rejoint le groupe puisque Yanis Len est blessé, donc il a pris la place, cette place là donc voilà, les 19 qui iront donc en Allemagne. Donc Benoît Kounkoun en fait partie puisqu'il a rejoint hier après-midi Düsseldorf, hein, le camp de base des Bleus, où il entrera avec avec l'équipe de France dans cet Euro. Ce sera face à la Macédoine du Nord, donc Macédoine du Nord, pour démarrer cet Euro. Voilà, donc voilà pour cette équipe de France. Donc avec la Macédoine du Nord, ce sera la première rencontre. On aura ensuite donc ça, ce sera mercredi à 18h, hein, voilà, donc ce soit à suivre sur la antenne de Beansport. Il y aura ensuite la Suisse, mais il y aura une petite pause puisque la Suisse, ce sera seulement dimanche soir. Voilà, il y aura un temps avant de jouer cette deuxième rencontre. Donc ce sera à 18h encore à nouveau. Et puis dernière rencontre face à l'Allemagne, deux jours plus tard, donc face au club nation recevante, mardi 16, donc dans une semaine, face à l'Allemagne à 20h30 cette fois-ci, pour conclure cette première phase. Et ensuite, on rappelle toujours le tour principal pour les deux premiers, donc pour rejoindre le tour principal et à la suite de ce tour principal, éventuellement une qualification en demi-finale. On rappelle, il y aura directement les demi-finales. Donc voilà pourquoi il faut gagner, prendre le maximum de points tout de suite pour voilà, après s'en sortir au tour principal et aller en demi-finale. En tous les cas, voilà les matchs qui arrivent pour cette équipe de France. On est en deux jours, début de l'Euro en Allemagne pour cette équipe de France, et faire aussi bien que les filles il y a quelques semaines et prendre le titre, on l'espère, à quelques mois maintenant des Jeux Olympiques, dernière grande répétition donc pour cette équipe. Voilà pour l'actualité handball. On va poursuivre avec maintenant le basket. On va rester dans les salles avec un mot de NBA pour vous donner quelques résultats, puisque ça joue évidemment toutes les nuits. Quelques résultats d'abord avec le classement après 35, entre 35 et 36, 37 matchs joués pour la plupart de ces clubs. Avec Boston pour le moment qui fait la course en tête dans le classement à l'Est. On a Milwaukee qui suit juste derrière, et puis Philadelphie pour l'instant troisième. En bas de classement, tout autour Détroit, trois petites victoires seulement pour le moment. Et à l'ouest, Minnesota qui est en tête, Denver deuxième, Oklahoma City troisième, et c'est toujours les Spurs, hein, de Wembanyama qui sont derniers pour l'instant de cette conférence ouest. Cette nuit, 6 rencontres seulement, un petit peu moins que d'habitude, qui seront au programme, notamment les Clippers face à Phoenix, ça sera à 4h30. Miami recevra Houston à 1h30. Vous avez également les Bulls en déplacement, c'est le Charlotte Hornets à 1h du matin, pour les quelques rencontres qui peuvent avoir lieu, donc qui auront lieu cette nuit. Voilà l'NBA. Puis c'est la trêve du côté, hein, de la des championnats en France. Pour le moment, on rappelle que Monaco reste large leader, 16 victoires, une seule défaite, hein. C'est vraiment un récital pour l'instant pour Monaco. Voilà, en tête de ce classement. Voilà, donc pour l'instant tout va bien pour Monaco. Et puis dans Pro B, on rappelle Orléans qui va un petit peu moins bien, hein. Il y a eu quelques défaites ces dernières semaines. Avant la trêve, c'est dommage. Orléans qui était plutôt bien, il y a eu quelques défaites, hein, face à Vichy, face au deuxième du classement. Il y a eu une nouvelle défaite face à Aix, pourtant mal classé, et ensuite il y a eu une dernière défaite face à Évreux. Donc c'était pour finir l'année à domicile. Là aussi un moins bien classé, donc c'est dommage puisque Orléans était deuxième suite à la cinquième place désormais. Bon, rien de rédhibitoire, mais il faudra se refaire très vite. Là il y aura une trêve jusqu'au 12 janvier, jusqu'à vendredi. La reprise pour Orléans, ça sera Boulazac. Voilà, donc qui est troisième, hein, donc qui est juste devant. En cas de succès, Orléans repasserait devant. Donc important cette reprise pour Orléans, voilà. Et puis en Betclic Elite, là aussi repris samedi, voilà, pour tout le monde. Voilà, c'est le retour aussi du basket, mais aussi l'Euroleague, hein, qui s'était pas arrêté d'ailleurs, hein, l'Euroleague qui a eu lieu toute la fin d'année et même pendant les fêtes, donc il n'y a pas eu de pause. Monaco qui est toujours bien placé, hein, 8e pour l'instant, qui est toujours dans le top 8, pour l'instant virtuellement serait qualifié pour la suite. Donc pour l'instant ça va plutôt bien pour Monaco, avec malgré tout une petite défaite. Pour défaite, c'était jeudi dernier, malheureusement, du côté d'Olympiakos, deux petits points, mais Monaco reste bien placé. L'ASVEL en revanche toujours 17e, hein, qui fait une saison très compliquée pour l'ASVEL dans cette Euroleague. Et puis on fera évidemment aussi un point un petit peu sur toutes les autres compétitions, que ce soit Ligue des Champions ou l'Eurocoupe, où on retrouve toujours nos clubs français, voilà, qui sont engagés, où la première phase, ça y est, c'est terminé, hein, la première phase est terminée, avec notamment pour le moment, on peut vous donner les qualifiés français, hein, dans ces groupes. On a Le Mans qui est terminé deuxième, donc qui se qualifie pour la suite. Voilà, donc ça c'est une bonne nouvelle. Dijon également, qui a terminé leader, sera de la partie pour la suite. Cholet également, on fera partie. Et puis Strasbourg aussi, leader de son groupe, continue l'aventure. Voilà, et puis on a enfin... c'est tout en fait, on a tous nos Français, tous nos clubs français qualifiés, hein, pour la suite, la deuxième phase de la Ligue des Champions. Voilà, où on aura un deuxième tour à jouer, là aussi, sous forme de groupe, avant l'éventuel quart de finale. Donc le chemin est encore long, mais en tout cas, tous nos clubs français en Ligue des Champions sont qualifiés pour la suite de cette Ligue des Champions. Donc bravo à eux. Et puis en Eurocoupe, en revanche, là, il reste encore beaucoup de matchs, hein, à jouer. Mais Paris est en tête de son groupe. Tout va bien, 12 victoires, une défaite. Donc pour l'instant, Paris devrait être normalement sans problème se qualifier pour la suite. La suite, c'est les huitièmes de finale, hein, directement. Et puis Bourg-en-Bresse, bah, également en tête de son groupe. 11 victoires, 2 défaites. C'est un tout petit peu moins bien que Paris, mais bah en tout cas, ça fait une première place. Et les deux clubs, bon, il reste, je disais, des matchs, hein, parce que il reste encore 4 rencontres, mais bah, sauf catastrophe, nos deux clubs iront en huitième de finale. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Tout va bien en Eurocoupe, revient en Ligue des Champions, et en Euroleague, bah, 1 sur 2 pour l'instant. Donc c'est plutôt bien. Et puis chez les femmes, bah là aussi un petit point avec pour l'instant l'ASVEL qui est pas au mieux, et puis dans l'autre groupe Vinlovdask pour l'instant qui devrait se qualifier pour la suite de cette Euroleague, hein, chez les femmes. Et puis enfin on peut parler aussi de l'Eurocoupe chez les femmes, où là aussi on va retrouver des clubs français. C'est le cas pour La Roche-sur-Yon qui se qualifie, pour Montpellier, ce seront, et puis pour Bourges, ce seront les trois clubs qualifiés. Donc pour les huitièmes de finale de cette Eurocoupe, donc on retrouvera ces trois clubs-là avec des huitièmes de finale aller-retour, donc match aller cette semaine, et puis la semaine prochaine les matchs retour pour pourquoi pas aller chercher un quart de finale. Donc pour trois clubs français, les trois clubs français, donc pour aller se qualifier, on espère. Pour la suite, voilà le point complet sur toutes ces compétitions. Donc globalement, ça se passe très très bien pour nos clubs français, que ce soit chez les hommes, chez les garçons, dans les Coupes d'Europe. Bah, tant mieux. Et puis bah, la suite, on va marquer une petite pause. Et puis juste après, on revient pour du tennis. Et puis évidemment, le foot avec Hugo qui sera avec nous, bah, juste après. Le temps juste de vous parler de rugby, hein, puisque Le top 14, bien sûr, bah, c'est poursuivi. Il n'y a pas eu trêve non plus, hein, pour le moment, du côté du top 14, avec, pour l'instant, le Racing toujours en tête, hein, le Racing qui fait une grosse saison, avec une victoire face à Castres samedi. Gros carton aussi de Toulouse face à Lyon, 45-0. Voilà, pour l'instant, donc le Racing, Bordeaux, Stade Français, Toulouse et également Toulon, bah, réalisent un gros début de saison. En revanche, Oyonnax, Lyon et Montpellier, plus compliqué. Voilà, donc c'était la 12e journée de ce top 14. Là, il va y avoir une pause, puisque c'est le retour aussi de la Coupe d'Europe pour tous nos clubs français. Voilà, donc retour à la compétition ce week-end, voilà, pour la 3e journée de cette Coupe d'Europe. Voilà, on refera bien sûr un point lundi avec tous ces résultats qui nous attendent. Une pause et juste après, donc, on parle de tennis et puis Hugo avec nous pour le foot. Voilà, il y aura beaucoup de choses à dire, hein, je le disais tout à l'heure. Pas mal de choses, un gros programme, mais jusque là une petite pause et puis donc du tennis, l'Open d'Australie qui arrive, quelques infos, Rafael Nadal bien sûr, on va en parler aussi. Voilà, il y a quelques petites infos, le temps d'écouter ce titre qui arrive tout de suite et on revient juste après. Normalement ça va partir dans une poignée de secondes et puis bah on se retrouve après, hein, pour la deuxième partie. Il est 21h11 déjà, ça va vite sur Arc-en-Ciel. À tout de suite. Mr. Officer, still living like that. Extraordinary, juice like a strawberry. Money to burn, baby, all of the time. Cut to fit, it's me. Fit to cut the shit. Come juggle with me, sit every time. I'm the lyrical gangster. Dial emergency number. Still living like that. No, we don't die. Yes, we multiply. Anyone test will hear the valley sing. Act like you know, G-Go. I know what Bo don't know. Touch them up and go. Uh-oh, cha-cha-ching-ching. You come lay up, step up. I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Step up, I'm the lyrical gangster. Big up, all crew bow, yeah. Still love you like that. À l'instant, ça s'appelait Here Comes the Hot Stepper. Voilà pour ce petit souvenir. On revient donc pour la suite, la deuxième et dernière partie, puisque ce sera directement la dernière partie. Un mot de tennis avant, bien sûr, bien filer directement au foot après avec voilà le direct qui va démarrer, c'est donc Wigan Manchester United, ça démarre à l'instant, voilà, donc on va suivre cette rencontre en fil rouge, ce sera le seul direct d'ailleurs de ce soir, donc on va pouvoir le suivre en presque totalité, hein. Je sais pas si on pourra aller au bout, mais en tout cas on va en suivre une bonne partie. Le tennis donc, on le disait, hein, c'est le début de cette saison avec déjà des premiers tournois qui ont pu avoir lieu. Voilà, on va revenir sur ces quelques tournois. Il y a aussi bien sûr l'Open d'Australie qui arrive. Pour démarrer, les tournois de la semaine dernière, surtout sur la TP de Brisbane qui était l'attraction de la semaine avec le retour de Rafael Nadal à la compétition. Il était de retour après presque un an sans jouer, un retour qui était bien sûr attendu et qui a été réussi d'ailleurs pour l'Espagnol qui était opposé à Dominic Thiem pour démarrer. Voilà le tirage qui n'était pas le meilleur tirage possible face à Dominic Thiem qui n'est plus ce qu'il n'était, mais quand même qui sortait des qualifications, donc évidemment c'était pas simple face à un joueur qui avait déjà des matchs dans les jambes, qui avait déjà 3 matchs dans les jambes, mais en tout cas Rafa Nadal qui s'en est très bien sorti, victoire 7-5 6-1, un niveau de jeu retrouvé, en tout cas on n'a pas eu le sentiment d'avoir perdu beaucoup de niveau de jeu sur sa rencontre. Donc c'était un bonne reprise pour l'Espagnol. Et puis il a continué ensuite son tournoi face à Kubler, l'Australien, lui aussi qui avait été invité par le tournoi. Et puis là aussi une victoire convaincante 6-1 6-2. Avant son match face à Thompson, aussi un autre Australien, défaite cette fois en 3 manches, le score 5-7, 7-6, 6-3 après avoir eu 3 balles de match dans la deuxième manche, et malheureusement après cette rencontre Rafa Nadal qui a ressenti quelques douleurs il a ensuite on l'a appris déclaré forfait pour l'Open d'Australie, touché notamment avec une micro déchirure musculaire. Il est rentré donc en Espagne pour se soigner, mais en tout cas il ne sera pas de la partie, et l'objectif maintenant de reprendre pour la saison sur terre battue, ce sera évidemment l'objectif numéro 1 de l'Espagnol, mais en tout cas qui avait un niveau de jeu énorme encore une fois ce début de saison. Le tournoi remporté hier par Grigor Dimitrov en battant en finale la tête de série numéro 1 Holger Rune 7-6 6-4. Grigor Dimitrov qui n'avait pas remporté un titre depuis un moment, puisque c'était le Masters en 2017, son 9e titre en carrière. Voilà, donc ça fait plaisir de revoir le Bulgare au top niveau. Et qui s'impose à Brisbane. Rublev lui s'est imposé à Hong Kong dans le tournoi de la semaine en battant en finale Roussouvori, le finlandais, 6-4 6-4. Le classement ATP, il n'a pas bougé très peu en tout cas, si ce n'est que si important c'est le classement pour Adrien Manarino, puisqu'il est désormais 20e à ATP, il est de nouveau le numéro 1 français, une première fois qu'il va intégrer le top 20, voilà, il redevient numéro 1 français devant Hugo Humbert qui est 21e d'ailleurs, qui est juste derrière. Donc son meilleur classement en carrière hein, pour Manarino. Donc bah bravo à lui, voilà, donc lui qui était à Hong Kong hein, d'ailleurs lors de cette semaine de compétition et notamment c'était aussi le cas de Arthur Fils, lui aussi qui était présent à dans le tournoi et en tous les cas, bah, ça fait pour lui une 20e place cette fois-ci à ATP. Donc bravo à lui. Sinon, très peu de changements. Arthur Fils, 35e désormais, lui aussi meilleur classement à lui. Hugo Gaston réintègre le top 100, hein, 99e. Zverev aussi qui a progressé une place de plus. Il est 6e déjà dorénavant devant Stefanos Tsitsipas. Demi-Nord, lui qui est dans le top 10. Voilà. Et puis Rafa Nadal, on rappelle qu'il était retombé à la 672e place et donc bah remonte du coup à la 451e place, plus de 221e place, c'est la plus grosse progression après sa défaite au troisième tour. Mais évidemment, c'est un classement anecdotique pour lui. Cette semaine, ce sera la dernière répétition avant l'Open d'Australie. Adélaïde sera l'un des tournois de la semaine. Voilà, avec quelques Français, Arthur Hinderknecht, ce sera d'ailleurs le seul. Voilà, c'est pas un gros tableau qui est présent. Et Auckland aussi, avec Lucas Van Haché, Norris sera le tête de série numéro 2. On a, voilà, très peu de Français. Shelton, l'Américain, tête de série numéro 1. Alors, ici, Gaël Monfils, mais qui a été battu d'entrée. En trois manches, Sylvain Bonzi, Richard Gasquet, Arthur Fils d'ailleurs qui s'affronteront, les deux Français demain, voilà les quelques Français présents. Et puis ensuite bah, l'Open d'Australie qui démarrera du coup à partir de dimanche comme d'habitude, le début de le dimanche, voilà. Très peu de pour l'instant de forfaits pour hormis Rafael Nadal, sinon les autres devraient être au rendez-vous. Une petite alerte pour Novak Djokovic, toujours une petite blessure, la blessure de janvier, hein, toujours avec le poignet, en délicatesse. Mais voilà, lui qui avait joué aussi de son côté dans la United Cup, hein, cette compétition par équipe, qui a été d'ailleurs remportée par l'Allemagne hein, face à la Pologne, voilà, qui a remporté ce tournoi. D'ailleurs, Zverev qui a sauvé deux balles de titre face à Hurkacz, voilà, donc victoire. Donc à 7-6 donc de tie break après avoir sauvé donc deux balles dans le tie break, voilà, donc en tous les cas c'est l'Allemagne qui a remporté ce titre, et les Allemands donc ont remporté le super tie break hein, dans le double pour décrocher le titre face à la Pologne. Les Bleus eux se sont arrêtés en demi-finale justement face à la Pologne, qui ont réalisé une belle semaine. En tout cas c'était compliqué hein, face à la Pologne, notamment avec Hurkacz et Świątek, donc logique pour les Français. En tous les cas, la semaine prochaine, enfin en tout cas à partir de dimanche, l'Open d'Australie, on en reparle bien sûr dès lundi. Allez, on va être avec Hugo dans quelques secondes, puisque là il est déjà, ça va très vite hein, il est déjà 21h23. Le direct, il est en cours, on le suit. Wigan Manchester United, grosse occasion tout à l'heure pour Wigan d'entrée de jeu, ça va être une belle rencontre. En tout cas c'est parti, c'est sur Bein Sport 1 que ça se déroule, donc on va suivre bien sûr tout cela dans l'émission en fil rouge. On aura le foot dans un instant, bien sûr la Coupe de France, le tirage au sort. Orléans-Paris, l'affiche principale, en tout cas pour Orléans. On aura aussi, on en parlera, mais un Rennes-Marseille intéressant. Voilà. Et puis on va aussi parler d'autres rencontres, bien sûr. Le temps donc de récupérer Hugo avec nous. Voilà, ça va, il va arriver dans une poignée de secondes, normalement, si tout va bien. Il devrait être avec nous. Allô, est-ce que Hugo est avec nous? Eh ben, je crois bien qu'Hugo est avec vous. Il est bien avec nous. Comment ça va, Hugo? Bah écoute, ça va très très bien. Par mon petit point noir, c'est la mort évidemment de, je pense qu'on a parlé du Kaiser Beckenbauer. Évidemment, mais bon, évidemment. Je me trouve un peu attristé, mais bon, c'est comme ça. Personne n'est éternel, mais non, sinon tout va bien, j'espère que toi aussi. Bah écoute, ça va bien, bah bonne année à toi, hein, évidemment, meilleurs vœux. Bonne année, meilleurs vœux également. Et ravi de te retrouver pour cette nouvelle année. Il y aura plein de rendez-vous évidemment cette année à venir. Hein. On le disait, l'euro de football cet été, il y aura les Jeux Olympiques, voilà, il y a beaucoup de choses qui vont arriver, donc on a hâte d'y être. Pour ce soir, eh bien, on va bien sûr revenir sur l'actualité, alors qu'il y a une belle occasion pour Manchester United qui arrive. Non, il y avait hors-jeu. Voilà, on rappelle cette rencontre que l'on suit. Le troisième tour de la Cup, c'est Wigan Manchester United, donc dernière affiche de cette coupe d'Angleterre, de cette cup, donc on va suivre en partie. Donc on va revenir bien sûr sur la Coupe de France, on va revenir sur le tirage aussi qui a eu lieu il y a quelques minutes. On va revenir aussi à l'étranger, toutes les compétitions, il y a eu les coupes aussi un petit peu partout, hein. On va refaire le point sur tout ça. Et puis bien sûr, bah pour finir, on va revenir sur la Ligue 1 qui va revenir. Voilà, avec les pronostics, l'autofoot, on va pouvoir revenir sur tout ça. Donc on a une petite heure pour faire tout ça, ça devrait. Puis si tu veux, j'ai chopé quelques petites infos, rien de nouveau, mais que j'ai chopé dans la journée, des infos mercato. Oui, puisque ça a démarré, oui, bien sûr. Et ben, j'ai chopé quelques-unes, donc on verra si on fait ça en fin d'émission, on verra comment on fait. Ouais, et ben parfait, on va parler de tout ça. Un mot, bah oui, de Franz Beckenbauer quand même. Évidemment, Ballon d'Or à deux reprises, ouais. Voilà, qui s'est éteint à 78 ans. Bon, voilà, c'est une icône évidemment du football mondial des 50 dernières années. Avec, on le sait, il a été champion du monde avec l'Allemagne. Il a été champion du monde aussi en tant qu'entraîneur. C'est un des seuls d'ailleurs. C'est hasard malheureux du calendrier, c'est que ils étaient que trois. Ils sont que trois encore à l'heure où on se parle à avoir été champion du monde en tant que joueur et entraîneur. Il y a eu Didier Deschamps évidemment, Beckenbauer, et il y avait aussi Mario Zagallo qui nous a quitté le 5 janvier, il y a trois jours justement. Donc voilà, Beckenbauer et Zagallo qui nous quittent quasiment à la suite. Donc il n'y a plus que maintenant, en tout cas présent avec nous, Didier Deschamps sur Terre, qui est le seul pour l'instant donc à avoir été champion du monde en tant que joueur et entraîneur. Exactement, ouais. Beckenbauer, donc qui a été champion du monde en tant que joueur en 74, ouais, face aux Pays-Bas, Johan Cruyff, là aussi un autre grand de l'époque, et puis ensuite il a été avec en tant qu'entraîneur donc en 90, donc il était le deuxième après, tu le disais, Mario Zagallo, qui avait été le premier d'ailleurs de son époque à avoir réalisé cette performance. Voilà, donc évidemment aussi cette performance avec le Bayern, hein, on avait parlé, hein, notamment les coupes des clubs champions à cette époque-là, où il y avait eu trois titres consécutifs, hein, voilà, il y avait des championnats, des coupes d'Allemagne, enfin voilà, c'est une carrière immense évidemment. Et un court passage pas très glorieux, mais à l'OM, oui. En 90-91 en tant qu'entraîneur sous l'ère Tapie, ouais. Très court passage, c'est pas très bien passé. Il en garde un mauvais souvenir, mais voilà, seul petit point d'ordre de sa carrière finalement, je pense que c'est un peu ce passage là à Marseille, et au-delà de ça, voilà, c'est une carrière exemplaire et légendaire, ouais, évidemment. Et puis il y a eu une dernière un dernier rôle pour lui, qui était président d'ailleurs du comité d'organisation en 2006, hein, lors de la Coupe du Monde en Allemagne, et qui avait été un petit peu controversé après ce scandale, hein, de l'attribution de la compétition à l'Allemagne, et voilà, qui avait reconnu derrière avoir commis une petite erreur, mais voilà, c'était sa dernière, en tout cas son dernier grand rôle dans le football. Après il avait été un petit peu laissé de côté. Et ben voilà, jusqu'à aujourd'hui où il a malheureusement trouvé la mort à l'âge de 78 ans. Donc cette icône du football français, allemand, pardon, avec évidemment de nombreux hommages qui ont lieu tout au long de cette journée. Voilà pour cette petite page, je voulais y revenir sur Franz Beckenbauer. Revenons nous à toute autre chose avec ce qui s'est passé un petit peu partout à l'étranger. Voilà, il s'est passé des choses depuis évidemment 15 jours où on s'est quitté, puisque dans la plupart des championnats on a joué, notamment en Angleterre aussi, on en parlera. Hein. L'Allemagne. Là où on s'est quitté, ça fait un petit moment où on n'a pas joué, on reprendra que samedi. Voilà, on n'a pas repris, ouais. Puisque bah on sait, historiquement en Allemagne on a une trêve. Non, je crois qu'il y avait but, en tout cas une grosse occasion pour United, mais ce sera corner. En Allemagne, on a une trêve hivernale qui est un peu plus longue, puisque comme on a moins de matchs, on préfère laisser une grosse trêve, comme d'ailleurs en France aussi. Hein. Ouais, ce que j'allais dire, c'est comme en France. Désormais, ouais. qu'on est à 18. Ouais. Exactement. Ouais. Donc reprise ce samedi avec ce week-end, en tout cas Bayern, Hoffenheim notamment, ou encore Dortmund qui ira en déplacement à Darmstadt pour la 17e journée, donc la reprise de la Bundesliga. Voilà, donc en Allemagne, sinon ça bouge pas hein, pour le moment. On s'était quitté avec toujours en tête du classement le Bayer Leverkusen et puis le Bayern juste derrière avec malgré tout un match de retard. Donc pour l'instant, on va attendre que tout ça se remette à jour pour faire le point. Et en ce qui concerne, puisqu'on sera question beaucoup de coupes ce soir, la Coupe d'Allemagne, ce sera que fin janvier pour les quarts de finale donc de la Coupe. Mais on connaît le tirage. On aura finalement plus beaucoup de gros, hormis le Bayer Leverkusen qui affrontera Stuttgart et le Borussia Mönchengladbach en club de D1. Sinon, c'est que des clubs de D2 et de D3. Donc c'est un petit peu inhabituel, mais on retrouve moins de clubs de première division parmi les 8. Donc il y aura peut-être une surprise cette année, en tout cas fin janvier, début février pour les quarts de finale. On poursuit, on enchaîne avec l'Italie. Hein. L'Italie par contre on a repris. Hein. On a repris donc ce week-end. On a repris avec la 19e journée déjà. 19e journée. Ouais. C'est ça, c'était tout le week-end. On peut recommencer avec l'Inter. L'Inter Milan qui était l'un des premiers à reprendre samedi en début d'après-midi. Victoire 2-1 face à AS Vérone et qui du coup conforte sa première place, sa place de leader. Ouais, c'est ça. Ils ont globalement dominé le match. Après, ils sont pas passés loin finalement de ne pas repartir avec les 3 points. Vérone aurait pu au moins arracher le nul. Ils ont notamment loupé un penalty. Donc ça reste une victoire pour, comme tu dis, le leader, l'Inter. Il y a un carton rouge, assez anecdotique à la 90e pour l'Hellas Vérone. Mais il y avait quand même un partout jusqu'à la 93e. Et donc le but de Fratesi qui donne la victoire à l'Inter. Donc l'Inter s'en sort plutôt bien dans ce match et conforte donc cette première place, comme tu l'as dit, devant la Juve. C'est Thierry Henry qui a marqué pour Vérone. C'est ce que je dis à chaque fois, mais j'ai oublié son prénom en plus. C'est comment son prénom déjà, lui? C'est bonne question. Je regarde à chaque fois, mais j'oublie à tout le temps. Je sais plus. Ouais. Je crois que c'est Teddy, il me semble. Ah, Teddy Henry. Il n'est pas très loin. je vais vérifier comme ça. Ouais, il était remplaçant, donc je l'ai pas sous les yeux là, mais si tu veux. Si non, pardon, c'est Thomas, tout simplement. Thomas Henry. Bon, ça marche moins bien du coup. Non, ouais. tant pis, dommage. En tout cas, voilà, c'est victoire de l'Inter, ça suffit, cette victoire 2-1 de l'Inter qui, du coup, reste leader, puisque derrière on a les autres rencontres d'hier avec un Milan AC encore dominateur et qui s'impose facilement à Empoli 3-0, avec en plus un but de Giroud sur penalty, voilà, qui continue de marquer en plus. C'est cool. C'est cool pour lui. C'est clair. Donc le Milan AC, tout va bien. Hein, victoire logique. Tout va bien dans cette nouvelle année. Ils sont sur le podium. Alors, ils ont de l'avance sur la Fiorentina qui a d'ailleurs perdu contre Sassuolo. Ils ont 6 points d'avance sur le 4e, mais ils ont 7 points de retard sur le 2e. Donc ils sont tranquillement installés à leur 3e place. Ouais. Il y a du retard à essayer de grappiller par rapport à la Juve et encore plus à l'Inter, mais pour l'instant ouais, Milan qui est bien installé sur sa 3e place du podium, sur le podium quoi. Ouais, exactement. On avait le Torino, si le Torino qui a battu le Napoli. C'est ça que je voulais dire. Le Napoli, bah, toujours moins bien. Voilà, qui continue de descendre au classement. Et en plus, ça, c'est une lourde défaite 3-0 pour le Napoli. Qui, décidément, on est méconnaissable depuis un petit moment. Hein. Ouais, bah, c'est clair. Bah, ils sont à leur place au classement, finalement. Ils sont 9e. Torino est juste derrière à un point. Napoli, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Il y a rien d'autre à dire. Voilà, c'est pas mieux, finalement. Depuis le départ de Rudy Garcia, ça va pas mieux. Alors il y a sûrement que je regarde pas assez le Napoli pour m'exprimer non plus trop profondément, mais je pense qu'il y a peut-être quelques coups à jouer peut-être dans ce mercato, essayer de rééquilibrer un petit peu l'effectif, parce que c'est sûr que là c'est un petit peu catastrophique. Quand on est le Napoli, en tout cas c'est un petit peu catastrophique d'être à la 9e place et se prendre 3-0 comme ça sèchement, même si c'est le Torino en face, c'est pas une grosse équipe, mais. Bon voilà, c'est Torino, une belle petite équipe italienne, avec 3-0 contre le Napoli, sûr que ça fait mal, et là, depuis le début de saison, c'est assez calamiteux, donc sûr qu'il va falloir faire quelque chose. Ouais, vite réagir, parce que l'Europe s'éloigne déjà, hein, finalement. C'est compliqué. Ils sont pas si loin que ça, mathématiquement parlant, en réalité. Il y a quoi, 2 points déjà à la 6e place? Mais c'est qu'il y a des équipes, il y a pas mal d'équipes qui s'intercalent quoi, entre les deux. Puis il y a la Roma, la Lazio. Voilà, il y a quand même des équipes. Si on imagine peut-être que Bologne, là, qui pour l'instant est un peu la surprise de cette première partie de saison, si on imagine que bah il va avoir un coup de moins bien et que voilà, ça va un peu retomber. Il y a peut-être des coups à jouer, mais comme je dis, il va falloir redresser la barre assez rapidement quand même, c'est sûr. Ouais, il reste du temps, mais ouais, il va falloir vite se remettre la tête à l'endroit. Pour le Napoli, la Lazio, justement, on en parlait à l'instant, c'est un petit peu mieux aussi. Là, il y a eu 3 succès consécutifs, ça permet de remonter à 7e place. Là, c'était face à Udinese, voilà, 2-1. Donc, c'est mieux pour la Lazio. Et puis, on a la Juve aussi, qui a sur le même score. Là aussi à l'extérieur, à la Salernitana, qui, là aussi, conforte sa 2e place. Mais là aussi, ça a été compliqué pour la Juve. C'était pas un match facile. Pourtant, la Juve a évolué pendant presque une mi-temps. La seconde en supériorité numérique à 11 contre 10. Mais finalement, il a fallu attendre les arrêts de jeu à la 91e minute pour avoir ce deuxième but de Vlahovic et puis offrir la victoire à la vieille dame. Mais ouais, non, ça n'a pas été un match facile pour eux. Ils ont globalement dominé, mais c'était pas si simple. La Salernitana a bien résisté. Qui est derrière, on rappelle. En termes de rouge, la Salernitana. Et qui met 1-0. C'est ça, il y a le carton rouge, comme j'ai dit, à 53e, ça fait un peu de mal à une équipe comme ça, mais elle tenait quand même quasiment jusqu'au bout. Mais voilà, c'est peut-être là aussi qu'on voit les grandes équipes. On s'en sort un petit peu miraculeusement sur une action en fin de match. Et puis voilà. Oui, but, ouverture du score de Manchester United, à l'instant. Et alors j'ai pas eu le temps de voir qui c'était, mais ils vont montrer le but. En tout cas, but, ouverture du score, 1-0. Après, on joue quoi là? On est à 18e minute. Parce qu'on a commencé à 21h15, ouais, c'est ça. Donc on est à 20e minute, grosso modo 22e minute. Donc ça fait c'est Dalot qui marque ce but pour United. Voilà, donc 1-0 face à Wigan. Donc pour l'instant, il n'y a pas en jeu, non. Et le but qui est revisionné, il est bien validé ce but. Donc 1-0 pour les Red Devils après 25 minutes de jeu. Donc la Juve, qui s'en sort presque miraculeusement, tu le disais. Mais c'est important puisque ça permet de recoller à 2 points de l'Inter quand même. En cas de s'il n'y a pas eu de victoire, c'est sûr que ça aurait commencé un petit peu à faire l'écart, quoi. C'est ça, ouais. Donc ça reste 3 points très importants. Ça creuse l'écart aussi, comme je le disais tout à l'heure, avec l'AC Milan aussi qui est 3e. Donc oui, c'est 3 points qui font du bien évidemment. Ce dernier but, il a vraiment donné de l'air. Et puis ouais, c'est important de rester collé à l'Inter, qui plus est quand on regarde la différence de goal average, il y a un fossé aussi. Hein. Ouais, ouais. La Juve qui a plus 17 et l'Inter qui a plus 35. Il y a presque un point de plus l'Inter, c'est clair. Ouais, c'est ça. Donc c'était très important de rester collé à l'Inter et donc d'avoir les 3 points là. Donc c'est un bon résultat en soi, même s'il n'y a pas forcément la manière. mais ça reste un bon résultat évidemment pour la Juve. Et puis enfin la Roma, bah, c'était une belle affiche puisque c'était face à l'Atalanta Bergame. Voilà, deux équipes qui étaient de même quasiment de même classement, pas de vainqueur finalement, un partout. Dybala qui a répondu à l'ouverture du score de Bergame, donc un partout. Et voilà, que ça finalement ça n'arrange personne puisque les deux clubs restent à leur classement, 6e et 8e. Donc pas d'avancement. Oula, parce qu'on a failli avoir un deuxième but direct de United, mais finalement ce ballon est bien capté en deux temps par le gardien de Wigan, donc on en reste à 1-0. Wigan, c'est quoi, c'est Championship ou c'est la troisième division? Bonne question. Ouais, en fait il y a eu une frappe détournée du bout des doigts par le gardien qui a tapé le poteau et qui a failli rentrer mais qui a été stoppé sur la ligne. Wigan, bonne question. Wigan, je sais qu'on les a connus il y a peut-être 10 ans, une dizaine d'années en première ligue. Mais maintenant, on regarde aussi. Ouais, j'essaie de regarder en même temps. Ah, Ligue 1, donc c'est 3ème division. Ligue 1. Oui, ouais, c'est ça, ouais. Donc, il y a un écart, en tout cas, mais c'est vrai qu'en Angleterre, l'écart est moins important qu'en France. Mais c'est ça, ouais. Pour l'instant. Bah, franchement, on verra Orléans PSG, on verra. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, tu sais que je regardais tout à l'heure, Orléans PSG, ça avait lieu en 2018, c'était en Coupe de la Ligue à l'époque. Il n'y avait eu que deux, hein, à cette époque-là. Ah oui, Coupe de la Ligue, ouais. Ah oui, Orléans. T'es en quelle division, Orléans? Qui était peut-être en Ligue 2 à l'époque, pardon. Oui, forcément. Ouais. Puisque c'était. Bah, ça dépend, parce que. Alors, oui. Coupe de la Ligue, c'est les clubs professionnels, du coup. Ouais, mais c'est des fois, oui, tu pouvais encore y participer en national. Ouais, parce que des fois, il y a quelques clubs pro. C'était peut-être encore le cas d'ailleurs, je sais plus si c'était déjà descendu, mais en tout cas, il y avait eu que 2-1, mais il n'y avait pas les stars, je crois, à ce moment-là. Mbappé et je sais plus qui il y avait peut-être déjà Neymar d'ailleurs. 2018, tu m'as dit? Ouais, non, il n'y avait peut-être pas Neymar encore. Si, Mbappé et Neymar, ils sont arrivés en 2017. Mais ils n'étaient pas là, donc. Bon, c'était plus serré, mais là, je pense, s'il y a l'équipe type, ça devrait être moins serré. On en reparlera tout à l'heure, mais en tout cas, de ce tirage. Ok, qu'est-ce qu'on disait? Oui, donc le classement. Donc l'Inter Milan en tête. J'ai plus le classement, mais on va le retrouver. Inter, Juve devant, puis Milan donc troisième, on l'a dit. La Fiorentina, hein, qui est toujours quatrième. Toujours, qui tient, ouais. J'en ai pas parlé, mais qui joue également. Je sais plus ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Ils sont inclinés, j'avais dit, contre Sassuolo. Et puis Bologne qui est toujours là, donc 5ème place avec 32 points, puis après voilà, Atalanta, Lazio, Roma, Naples, ça suit de la 6ème à la 9ème place, mais voilà, on va dire de la 4ème à la 9ème place, justement 10ème place même, c'est assez serré, tout peut jouer, ouais, rien n'est joué encore. Et en bas donc Vérone, Paoli, Salernitana, mais c'est serré aussi, hein, en bas. Ouais. 12, 13, 14, 15, 17, donc voilà, c'est pas. Oh non, c'est chaud, hein, la surface de Wigan, le deuxième but est proche. Ce week-end même, qu'est-ce qu'on nous propose d'intéressant? On aura Milan AC à Roma, ouais, notamment. Voilà, comme affiche, on va dire, principale. L'Inter ira à Monza. Voilà les quelques affiches. Juve Sassuolo, voilà. Ah, Juve Sassuolo, ok. Bon bah ce sera samedi dimanche, ces rencontres. Très bien. On va aller en Espagne juste avant. Je voulais regarder la coupe d'Allemagne, la coupe d'Italie, pardon. Là aussi, puisque ça joue un petit peu partout dans les coupes. Hein. Il y avait aussi, si on peut en parler, il y avait la Super Coupe. Il y a la Super Coupe d'Italie qui va arriver. Ce sera la semaine prochaine. Donc Naples, Fiorentina et Inter, Lazio. Ce sera des demi-finales et finales. On avait parlé brièvement. Ce sera la semaine prochaine. En coupe, eh bien, on connaît les affiches des quarts de finale, puisque donc il y avait des matchs. La semaine dernière, le Milan AC s'est qualifié en battant Cagliari, Bergame également en battant Sassuolo, la Roma aussi a battu un club de D2 et la Juve a cartonné face à la Salernitana 6-1. D'ailleurs, ils se sont joués deux fois. Et puis Naples a perdu 4-0 contre Frosinone aussi. Oui, mais ça c'était au mois de décembre. Oui, c'est au mois de décembre, oui, bien sûr. Oui, ils avaient perdu 4-0, c'est vrai. Mais on rappelle. Mais la Juve, a, du coup, ils ont joué deux fois même club dans la semaine, là. Mais pas avec les mêmes résultats. Il y a eu 6-1 ouais, en coupe et puis ça a été plus compliqué en championnat. Mais en tout cas, ouais, là, il y a eu 1-0 d'abord pour Salernitana et puis la Juve derrière qui a enchaîné 6 buts, donc qualification. Et bah, les matchs qui se jouent déjà cette semaine, hein, ça va très vite. Donc Fiorentina-Bologne, c'est demain. On aura mercredi Lazio à Roma. On aura Milan AC Bergame. Et jeudi, Juve Frosinone. Tu dis à Roma, toi. Ouais, la AS Roma. Non, tu veux dire quoi, toi? La Roma, la AS. AS Roma, t'as dit à Roma, toi. Oui, la Roma, la AS Roma, ouais, c'est pareil. T'es étrange comme mec, toi. Ouais. Non, mais par contre, il y a un truc justement, bah, étrange, toi, que je regardais là. C'est les huitièmes de finale de Coupe d'Italie. Alors, il y a un match. Enfin. Chaque match ne sont pas joués quasiment le même jour. Il y a eu un match le 5 décembre, un autre le 6, oui, un le 19, un le 20, un le 2, un le 3, un le 4. Enfin, je sais pas pourquoi les huitièmes se sont étalés sur un mois. Je comprends pas. Il y avait peut-être une raison, ouais. Hein, mais du coup, bah, la Juve qui a joué jeudi rejoue jeudi là. Ouais, du coup, ouais. Donc, En une semaine, ils vont avoir joué deux tours de coupe. C'est un peu étrange, mais même la Roma d'ailleurs, c'est pareil. Bergame aussi, ils vont avoir joué deux matchs en une semaine. Donc ça fait beaucoup d'ailleurs pour eux parce que du coup ils ont fait 4 matchs en 2 semaines plutôt que d'avoir tout mis sur le même week-end. Voilà, je sais pas pourquoi. Ouais. Là honnêtement, mais en tout cas voilà, cette semaine quart de finale de la Coupe d'Italie. Allez, on referme l'Italie cette fois et on va en Espagne comme prévu avec le retour aussi, la reprise 19e journée. C'était en milieu de semaine. D'ailleurs, cette journée, elle avait lieu avec notamment, on peut parler du Real qui a été vainqueur, court vainqueur de Majorque 1-0 avec un but de Rudiger. Voilà, ça suffit, mais c'est compliqué aussi pour Real. C'est compliqué. Ouais, parce que oui, ils ont dominé tout le match. Voilà, il a fallu, pousser quand même pour aller chercher ce petit but. Ouais, c'était un manque de réussite, on va dire, dans ce match. Ils ont globalement largement dominé, hein. Mais oui, il fallait quand même mettre ce but, hein, pour toujours mettre la pression, on va dire, sur Gérone. Oui, c'est Real Madrid qui jouait après, et repasser premier, du coup, enfin, à la fin de cette 19e journée. Il fallait évidemment ce but parce qu'on va en parler juste après. Mais Gérone continue à suivre et très très bien. Ils le font très très bien. Donc, résultat logique, voilà, mais il fallait ce but qui a été marqué par Rudiger, c'est-à-dire à la 78e. Et voilà, tout simplement, le Real est donc premier, ouais, grâce à un goal average supérieur à Gérone, puisqu'ils ont le même nombre de points, ils ont le même nombre de points, 48 points. C'est quand même incroyable, hein, cette première partie. Ouais, Gérone, c'est fou, hein, c'est fou. C'est fou, il n'y a eu qu'une défaite pour chaque club, c'est fort, hein. C'est vraiment très fort. Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais Gérone, il y a eu un tout petit accro avant la trêve face au Betis Séville, ce qui fait que Gérone n'a plus deux points d'avance. Hein. Pour ça aussi, ce qu'on rappelle, on se rappelle qu'il y avait eu Gérone avait toujours deux points d'avance à chaque fois, mais ce petit accro a fait que ça se retrouve à égalité grâce à cette victoire de Gérone face à l'Atlético. Quel match, 4-3 pour Gérone avec un triplé de Morata. Mais ça n'a pas suffi pour l'Atlético, puisque toute fin de match, Gérone qui promet ce but qui permet de s'imposer. Mais du coup, ça tient fort pour Gérone. Même dans les matchs compliqués, ils arrivent à forcer la décision, en fait. Non, c'est très très costaud, c'est gigantesque ce qu'ils font, puis on a l'impression qu'ils ne vont jamais s'arrêter. Ça dure depuis le tout début de saison, puis on a l'impression que ça va pas s'arrêter, ça va continuer comme ça durant ces 6 mois là jusqu'à la fin de la saison. C'est une très très belle équipe. Puis là, on a envie qu'ils aillent au bout, on a presque envie qu'ils n'aient trop rien, en fait, parce que c'est une très belle équipe à avoir joué. Ouais, comme tu as dit, ils réagissent dans chaque match. Ils perdent un moment du match contre l'Atlético, ils sont revenus, puis il y avait un exploit en fin de match pour aller chercher cette victoire. Donc c'est cool de voir des équipes comme ça. Et Titi et les grands, quoi, ils ont 10 points d'avance comme sur l'Atlético. Ouais, c'est vrai que l'Atlético, du coup, avec cette défaite, ils peuvent dire au revoir. Alors au titre, c'est clairement, et même aux deux premières places. Hein. Oui, bah, c'est sûr que ça va être compliqué maintenant. Maintenant, s'accrocher à la qualification en Ligue des Champions. Ils sont évidemment encore largement dans la course. Hein. Oui, bien sûr. Ils sont cinquième, mais à égalité de points avec Bilbao qui est quatrième, et puis qu'à trois points du Barça qui est troisième. Donc voilà, Jérôme qui. Pour revenir à Jérôme, qui creuse l'écart comme le Real Madrid, poursuivant Barcelone, quoi. Ouais. Ouais, c'est fort, hein. C'est la tenue, je sais pas, mais en tout cas, pour l'instant, la première partie de saison, elle est plus que réussie, ça c'est sûr, ouais. Ça c'est clair. Et puis, un dernier résultat, c'est la victoire du Barça, du coup, qui était important aussi. C'était hier, hein, pour finir la. Pas hier, pardon, c'était en milieu de semaine, mais c'était en tout cas le match qui clôturait la journée. À Las Palmas, 2-1, voilà, pour le Barça. Là aussi, ça a été poussif, puisqu'ils ont été menés d'abord. Mais finalement, ils ont inversé cette rencontre et qui ont permis au Barça, grâce à cette victoire, de remonter à la troisième place. C'était important de gagner, hein, pour évidemment repasser devant Bilbao, repasser devant Madrid, qui avait joué avant, et s'accrocher un tout petit peu, presque, encore au titre, ou pas du tout. Ouais, tout est possible, tu sais, il suffit d'un classico remporté par le Barça, et puis d'un coup, il y a moins d'écart, et puis... Un Girone qui craque. Ouais, un Girone qui craque, et puis un Real qui refait une pause performance après. Non, ça peut aller très très vite, t'as entre guillemets que 7 points d'écart, alors ça peut paraître déjà pas mal, mais ça peut aller très très vite, hein. Je veux dire, un classico un peu mouvementé, alors je sais pas si ce sera à domicile pour le Barça ou à l'extérieur, là, je m'en rappelle plus, au match aller, c'était où, le classico. Ah, je vais vérifier, je sais plus, mais ouais, je vais regarder. Bon, après, le Barça qui n'a plus son Camp Nou, là, maintenant, il joue dans, je sais plus comment il s'appelle, le stade, là, en attendant les travaux au Camp Nou, c'est sûr que ça fait déjà un petit écart, il reste encore toute une partie de saison, enfin, toute une demi-saison, donc tout est encore possible en réalité, mais il y a quand même 7 points de retard, c'est sûr qu'il va falloir la rattraper quand même, Ce sera au Real. Okay. Ce sera, c'est pas tout de suite, c'est la 32e journée, c'est presque à la fin de championnat, donc ça peut être décisif aussi, ouais. Ouais, c'est ça, donc ça on verra ça donc à ce moment-là. Mais, c'est pas insurmontable. Mais c'est sûr que c'est déjà un petit handicap, mine de rien, d'avoir déjà 7 points de retard, alors qu'il reste toute une demi-saison à jouer. À voir aussi si ça se renforce un petit peu mercato, il faut voir aussi ça un peu les mouvements, comment ça va se passer. Ouais, très bien. Bah, on suivra tout ça. En tout cas, on dit à Gérone est en tête aux côtés de, enfin, Real est en tête aux côtés de Gérone, 48 points. Puis le Barça à 41 points. Bilbao et Atlético 38. Et après, il y a un fossé, hein, puisque Real Sociedad a 32 points. Voilà. Donc, globalement, voilà, ces cinq-là sont plutôt bien installés. Et si on va un poil plus loin, Betis Séville 28. Donc, en fait, on a les 6 premiers. Et les autres, on va même, Real Sociedad qui est presque entre deux, mais on a, en tout cas, les 6 premiers sont presque connus déjà. Hein. On peut dire, l'Europe est déjà presque jouée pour ceux-là. Ouais, oui. Les 5 premiers. Les 4 ans de premiers, on commence à ça se dessine bien, ouais. Après, des fois, t'as des périodes où ça avance plus, hein, tu sais. Ouais, c'est sûr. Là, Atletico, il y a un petit coup de mou là, un petit peu, alors c'est pas catastrophe, mais il suffit d'un mauvais enchaînement, ou justement un enchaînement championnat Coupe d'Europe, où le groupe a du mal à suivre physiquement un moment, et puis ça pêche en championnat, donc ça peut aller vite. Mais c'est sûr qu'il y a quand même, forcément un petit fossé entre la 5e, la 6e, 7e place, mais tout est possible encore. Oui, la saison est encore longue, c'est sûr, il y a encore une demi-saison à jouer. Ouais. Et en bas, donc, on retrouve... toujours les mêmes clubs, Grenade pour l'instant, Almeria et Cadix aussi, et Almeria donc 5 points, hein. Ils ont toujours pas gagné le moindre match. Toujours pas gagné un match, et du coup ça fait désormais 11 points de retard sur le Celta Vigo qui est premier de relégable. Donc, là aussi pour Almeria c'est presque... Là pour le coup je pense que oui, là c'est compliqué. C'est presque fini, ouais. Voilà pour la Liga. Cette semaine, est-ce qu'on a des choses intéressantes peut-être à venir? Ce week-end, j'ai regardé un petit peu, je crois qu'il n'y a pas spécialement une affiche en particulier. Peut-être Bilbao Real Sociedad à la limite, ça reste dans le top 6. Ouais, puis le Bilbao Real Sociedad, je peux dire que ça peut être un match intéressant au niveau du classement. Après, bah, le Barça va jouer contre Osasuna, le Real à Retafe, et le Atlético contre le Rayo Vallecano, un petit derby madrilène. Mais ouais, non, bon, ouais, on peut dire Bilbao Real Sociedad. Tu vois, sur un match comme ça, la Real Sociedad s'impose, ouais, puis ça relance un peu tout. Ouais, ça peut relancer. Donc, voilà. Et donc ce week-end c'était la coupe en Espagne, c'est pour ça que la journée avait lieu en semaine. Qualification de l'Atlético de Madrid qui a battu un club de D2. Le Real aussi s'est qualifié 3 en battant un club aussi inférieur, bien inférieur d'ailleurs, club amateur. Voilà, on a aussi le Barça qui s'est qualifié. Ça a été compliqué le Barça, hein. Victoire 3-2 seulement face à aussi un club amateur. Voilà, donc bon, bah ça passe quand même. Et du coup, on connaît les affiches des huitièmes déjà. Ce sera la semaine du 17 janvier. Donc le Barça ira aussi en D2, dans un club de D2. Le Real affrontera l'Atlético Madrid. Belle affiche là pour ces huitièmes. Ouais. Gros tirage. Gérone face au Rayo Vallecano. Voilà. Et puis après, il y a beaucoup de clubs de D1. Globalement, il y a que Tenerife qui s'en est sorti. Et Salamanque donc qui affrontera le Barça. Voilà, tous les autres, ce sont des clubs de D1 qui s'affronteront lors de ces huitièmes, donc à partir du 17 janvier prochain. Et puis cette semaine, ce sera aussi la Super Coupe d'Espagne, voilà, un peu comme en Italie. Donc aussi avec des demi-finales, bah, Real Atlético, ils vont se rejouer encore cette semaine. Donc ce sera à Riyad d'ailleurs, en Arabie Saoudite, cette Super Coupe d'Espagne comme en Italie d'ailleurs. Donc Real Atlético, ce sera mercredi. Oui, c'est ça, mercredi. Et Barça Osasuna, ce sera jeudi. Avant une finale, peut-être entre le Real et le Barça. Ce sera ce week-end. Ou pas d'ailleurs, ce sera peut-être une autre affiche. En tout cas, ce sera, voilà, c'est cette Super Coupe cette semaine. Et on termine en Angleterre, bien sûr. Avec là aussi le retour du championnat, une grosse occasion pour une équipe à nouveau, une belle claquette. Ah non, la barre, c'est même la barre transversale qui a repoussé cette frappe. Ça fait toujours 1-0 et il reste 5 minutes avant la pause. Ça pousse fort, fort, fort pour une équipe qui veut absolument marquer ce but du break avant la pause, mais pour l'instant ça veut pas sourire. Mais voilà, il reste encore 5 minutes pour essayer de faire cette différence. Donc je disais en Angleterre le tour du championnat et puis aussi la coupe, on va en parler. Le retour, il s'est jamais vraiment arrêté. Oui, en fait, oui. Je dis ouais. Le retour, mais t'as raison, ça s'est pas arrêté du tout. Il s'est passé évidemment beaucoup de choses en Angleterre tout au long de période hivernale, cette période de fête. Là, il y aura quand même une petite pause quand décalé du coup, puisque on reprendra que ce week-end. Ouais. Bon, je vois, bon, ceux qui ont joué en coupe, il n'y a pas eu de pause finalement. Donc ça fait très peu de temps de repos. Bah, en fait, on s'est arrêté finalement la dernière journée, c'était la journée du Nouvel An, puisqu'il y a eu des matchs le 31 et le 1er janvier. Hein, avec notamment on peut parler de City, par exemple, qui a gagné 2-0, ça remonte déjà un petit peu, mais qui a gagné face à Sheffield United 2-0. Voilà, on a quoi d'autre? On a Arsenal par contre, qui a perdu 2-1 face à Fulham, ça c'était la surprise du 31 décembre. Ouais, c'est clair, attends, tu me repousses dans mes retranchements de la mémoire. Arsenal, ils sont quand même dans une mauvaise passe hein, depuis quelques matchs, quelques semaines. Ils perdent des points au classement, là, ça, ils ont 5 points de retard du coup sur Liverpool, le leader. Alors que il n'y a pas si longtemps que ça, c'est Arsenal qui était encore premier et qui menait la barque. Donc là, ouais, ça fait plusieurs fois qu'il laisse passer des opportunités. Là, il va falloir vite se réveiller avant de, avant de définitivement lâcher le titre. Donc non, il va falloir se réveiller. C'est clair là, parce que les contre-performances là, ça s'enchaîne, oui. Ça s'enchaîne et ça fait mal. Donc ouais, quatrième, on a City donc qui a gagné, on a United qui a perdu à nouveau, ça c'est moins une surprise parce que c'est vrai que depuis quelques temps c'est pas la grosse forme pour United. Liverpool, tu disais qui a récupéré le première place, victoire face à Newcastle 4-2, ou encore victoire de Tottenham face à Bournemouth. Donc bah en tête Liverpool du coup qui retrouve cette première place, 45 points. Villa, Aston Villa, c'est le plus surprenant, mais qui est là, qui est deuxième. Qui a gagné contre Burnley. Ouais. Donc qui est bien installé. City qui est troisième avec 40 points également, comme Arsenal d'ailleurs. Tottenham 39 points. Après il y a un petit fossé avec West Ham qui est sixième, 34 points. Et puis United qui est bien plus loin, huitième, 31 points. Et Chelsea encore plus loin, qui a gagné malgré tout face à Luton Town. C'était important pour pas vraiment dire définitivement au revoir à la Coupe d'Europe, même si bon, il y a que 3-4 points. Ouais. Ouais, il y a même 4 points, ouais, mais 6 points même, parce que c'est West Ham qui est 6ème. Donc voilà, il y a un petit poussé, mais ouais, fallait absolument gagner, donc c'est chose faite. Mais en tout cas, 10ème, 28 points. Alors qu'en bas, donc on a justement Luton Town, Burnley et Sheffield United qui sont donc ces trois-là relégables. Et puis donc City notamment, t'as vu qui a 40 points comme Arsenal, Arsenal qui est quatrième, City troisième, City a un match de retard hein, notamment. Oui, puisque City avait été faire la Coupe du Monde des Clubs, c'est ça hein. C'est ça, ouais, normalement c'est ça. Ouais. Qui avait gagné donc, d'ailleurs, on n'avait pas parlé. Qui a gagné, là, ils ont leur petite écusson sur le maillot maintenant. Ah oui, bah oui. Champion du Monde des Clubs. Donc voilà, ouais, donc ils ont un match de retard par rapport aux rivaux, au classement. Donc, oui, ça City peut faire une différence. Ouais, City qui est en cas de victoire pour passer devant Aston Villa et donc à la deuxième place s'installer. Ouais, donc rien n'est joué. Évidemment, là-bas, il y a encore beaucoup de. Il va se passer encore beaucoup de choses. Ce week-end, alors c'est un peu la journée de. Cette journée qui arrive est très bizarre parce qu'il y aura seulement 5 matchs ce week-end, en comptant lundi, hein, et il y aura les 5 autres matchs la semaine prochaine. Voilà. D'accord. Je sais pas pourquoi, peut-être pour justement avoir un peu plus de repos pour tout le monde. Ouais, par rapport à la cup aussi, je sais pas, ouais. Ouais, c'est qu'à mon avis, beaucoup de choses doivent s'enchaîner et ça va permettre pour certains de se reposer ce week-end et pour d'autres le week-end suivant. Je pense que c'est peut-être la raison pour laquelle on va étaler cette journée sur 2 semaines. Donc du coup, on va avoir samedi donc Chelsea Fulham, Newcastle City. On aura Manchester United Tottenham, qui était une belle affiche avant, un peu moins maintenant, mais bon, ça reste un choc quand même. Et puis Burnley, Luton Town, ce sera lundi prochain. Et après, bah, la deuxième partie, la semaine prochaine, Arsenal, Crystal Palace, ou encore Bournemouth, Liverpool. Voilà, donc à cheval donc sur 2 semaines cette journée. Et du coup, en Angleterre, on le disait, la Cup avait lieu. Il avait lieu ce week-end, donc c'était le troisième tour. Hein. Le troisième tour, ce qui correspond en fait au 32e de finale. C'est ça, oui, c'est ça. Donc en fait, comme en France. Hein. Voilà, donc qualification de Tottenham, de Fulham notamment, de qui d'autre s'est qualifié encore? Chelsea qui s'est qualifié. Newcastle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Brighton aussi, mal, ouais. J'ai du mal à retrouver les résultats aussi. Ouais. Aston Villa, ouais. Voilà, on n'avait pas les Européens qui rentreront après. Qui rentreront en... Non, City s'est imposé 5-0 hier. J'ai loupé une journée. J'ai loupé une page. Oui, City, si t'as raison, ils sont là. C'est la mi-temps d'ailleurs, tiens, dans ce match-là qui est en cours. 1-0 pour United, donc le score aurait pu être plus grave, hein, face à Wigan. Donc 5-0. Et puis il y avait le choc entre Arsenal et Liverpool aussi. Et oui, et c'est Liverpool qui a sorti vainqueur 2-0 donc hier soir, et donc qualification de ces deux clubs-là. Et du coup, bah beaucoup de matchs nuls. Ce qui dit match nul dit replay en Angleterre. Pas jusqu'au bout, hein, jusqu'au 8e, mais après, à partir des quarts, on rejoue pas, hein, parce que on peut pas non plus jouer 50 matchs dans l'année. Donc, pas déconner non plus. Non, donc beaucoup de matchs qui seront. Donc Wigan United, c'est en cours, mais sinon, pas moins de 8 matchs qui seront rejoués. Ouais, c'est ça, 8 matchs qui seront rejoués la semaine prochaine seulement. Donc mardi, mercredi prochain, donc il y a. Notamment, qu'est-ce qu'on peut donner? Everton, Crystal Palace, il y a pas de gros club qui à West Ham qui est concerné aussi. Voilà, donc quelques clubs qui vont devoir rejouer un autre match. Par contre, il y a un nouveau match nul, là on aura des prolongations, hein, tu rebutes, on n'aura pas un autre match encore. Hein, parce que sinon on n'en finit pas. Donc voilà, ça sera la semaine prochaine. Et puis sinon cette semaine, ce seront les demi-finales de la Coupe de la Ligue. Donc cette semaine, ce seront les matchs aller, puisqu'on joue en aller-retour, les demi-finales uniquement. Donc on aura Middlesbrough-Chelsea, ce sera demain soir. Et puis mercredi soir, ce sera Liverpool-Fulham. Voilà, et puis... Non, à chaque fois, ces compétitions-là, alors, peut-être parce que je suis pas assez, mais j'ai l'impression que ça va très vite. Enfin, ils sont passés quand, les matchs, avant là. La Coupe de la Ligue, je crois que ça commence en quart du... En... Non, il y a aussi des 8e et des 16e, hein, des 32e, mais ils sont joués bientôt, je crois. Ah, parce que j'ai l'impression de pas voir les matchs passés, en fait, donc c'est pour ça que c'est fou. Non, bah... Ouais, non, oui, c'est vrai. Non, non, pourtant, ils ont démarré tôt, les clubs de première ligue ont démarré, Ouais, non, mais j'imagine bien qu'ils viennent pas d'arriver, mais, Ils arrivent en demi-finale. Allez. Non, non, ouais, ils ont démarré dès le troisième tour, mais c'est vrai que ça a lieu au mois de septembre, donc, elle démarre tôt, puis elle s'enchaîne vite, ouais. Cette Coupe de la Ligue. Ouais. À contraire de la Cup qui arrive bien plus tard. Donc la demi-finale en aller-retour. Et puis les matchs retour, par contre, ce sera, pas la semaine prochaine, ce sera encore après. La semaine du 23 et 24. On va étaler, toutes les coupes vont s'étaler un petit peu, tout au long du mois de janvier. Et voilà, donc la journée aussi de cette 21e journée. Donc tout ça va s'enchaîner sur 2-3 semaines. Donc, on aura beaucoup... je vais te poser une colle. Est-ce qu'il y a la règle du but à l'extérieur ou pas? Non, pas. Ah, en demi-finale de aller-retour, ouais. Je crois pas. Hein. À vérifier. Je sais pas. Mais, je sais pas. À vérifier, mais honnêtement, je crois pas. De mémoire, ça ne me dit rien du tout. Mais si tu veux vérifier, tu peux le faire. Bon. Non, t'embêtes pas avec tout ça. Hein. Non. Mais non, de mémoire, ça me dit rien. Voilà donc pour l'Angleterre, toutes les coupes, on a fait le point. On va revenir en France. Parler aussi de la coupe de France. Bah ouais, c'est ça. Puisqu'on va revenir en France, c'est évidemment. Et puis revenir après sur la Ligue 1 qui va reprendre. Tout le monde va reprendre le chemin des terrains. Et voilà, donc on va en parler. Bah tout de suite. Du coup, puisque il est déjà 22h05, ça va vite. Ça va vite. Coupe de France. Le tirage au sort a eu lieu tout à l'heure. Un petit rappel aussi, on va pas parler des 32 matchs qui ont eu lieu, mais quelques 32e de finale qui se sont déroulés. Avec notamment très peu de surprises en fait. Hein. Très peu de surprises sur ces. Ah, quasiment pas, ouais. En réalité, il y a eu un club de Ligue 1. De Sochaux contre Lorient, il y a le victoire de Sochaux contre Lorient. Voilà. Sochaux pensionnaire de National, hein, maintenant. Oui. Après, ouais. Après, en fait, il y a deux autres clubs de Ligue 1 qui ont été sortis, mais c'était Lens, forcément, qui devait sortir. Un club de Ligue 1 qui doit sortir avec Orléans, avec Monaco. Et du coup, un autre match entre Ligue 1, que j'ai oublié, c'était Angers, je crois, qui a été sorti. Par non, Angers qui est en Ligue 2, donc je sais plus quel est l'autre club de Ligue 1 qui est sorti. Donc Lorient, Lens et Metz, oui, qui a été sorti par Clermont au tir au but. Ouais, c'est ça. Donc forcément, il y avait deux clubs au moins qui devaient sortir. Il y en a eu un troisième. En fait, la surprise, c'est Lorient, Sochaux qui va mieux, enfin en tout cas qui donne un peu d'air avec cette Coupe de France, parce que c'est compliqué en national toujours pour Sochaux. Bah, le club a quand même failli être dissous oui. Il y a encore quelques mois, donc c'est sûr que ça donne un petit peu un petit bol d'air frais, quoi. Donc c'est sûr que ça fait du bien. En tout cas, très belle séance de tir au but, hein, Lens Monaco. Hein. Enfin, ouais, très, ouais, suspense. Très belle. Ouais, ouais, gardien, on fait un petit peu le job, quoi. Ouais, parce qu'en bas, c'est un régal. Hein. Franchement, les trois qu'il arrête d'affiler. Ouais. Ça n'a pas suffi, mais le Lens qui a ultra dominé la deuxième période et qui aurait pu s'imposer, qui aurait mérité de s'imposer, c'est vrai, dans le temps réglementaire. Voilà, bon, bah, ça passe pour Monaco cette fois-ci, tant mieux pour eux, mais ça a été compliqué. Donc voilà, pas de surprise, les petits poussés, bah c'est fini, hein, pour notamment on avait hier Paris face à Revel, bon, 9-0, club de R1, il y avait pas mal de clubs de R1 d'ailleurs, il y avait aussi Sarreguemines en tout début de week-end qui a été sorti. Fabreg aussi. Voilà, l'équipe poussée de. Donc là, les clubs de région, c'est terminé. Les clubs d'outre-mer aussi, c'est terminé. Notamment Golden Lion qui a pris 12-0 face à Lille. Bon, ça, c'était. C'était la petite récréation pour Lille. Voilà, il y avait d'autres clubs d'outre-mer qui ont été sortis aussi. Et puis sinon, bah, les derniers petits poussés, ce sera de la N3 désormais. Avec ce tirage au sort, donc le petit poussé, ce sera donc qui a été tiré tout à l'heure, Saint-Priest. Saint-Priest, oui. Qui affrontera donc Romorantin, club de National 2. Donc pour eux, c'est vrai que c'est peut-être une déception. Mais, ouais, bah parce qu'ils vont pas jouer un gros, mais ils peuvent encore rêver, voilà. C'est ça. Pour aller plus loin. Ils ont la possibilité de peut-être passer un tour de supplémentaire et d'aller en huitième de finale. Donc bah c'est peut-être une bonne nouvelle quand même, donc à voir pour eux. Des rencontres entre Ligue 1, il y en aura une grosse, ce sera Rennes-Marseille. Ouais. Pourquoi c'est peut-être pas la meilleure nouvelle possible, pas... surtout à l'extérieur. Ouais, au domicile oui, à limite oui, mais c'est quand je vois qu'on. Enfin j'ai flippé jusqu'au bout face à Thionville, je me dis que Rennes ça va être une autre partie aussi, donc une autre partie de plaisir. Donc, Ouais, Thionville, ça a été chaud, ça a été compliqué aussi. Ouais, franchement, on a rien montré de rassurant dans le jeu, donc ça fait un peu peur, hein, surtout quand on voit que du coup on n'a pas beaucoup de ressources, comme là ça va être la CAN qui va commencer ce week-end, donc on a pas mal de joueurs qui sont partis. Ouais. Donc au final, voilà, on a plus trop de profondeur de banc, à part évidemment des jeunes, mais on n'a aucune certitude avec ça. Puis même au final, avec la plupart des titulaires. Indiscutable, on n'a pas toujours des certitudes non plus, donc c'est assez compliqué. Ouais, c'est sûr que c'est. Et puis il va y avoir le championnat, il y a le championnat, il va y avoir la coupe aussi qui va revenir. Ouais. La coupe d'Europe, donc ouais, ça fait beaucoup, mais bon, il va falloir s'accrocher. Il y a une recrue, je crois, qui est arrivée aujourd'hui. Hein. Attends, on parlera peut-être tout à l'heure. J'en parlerai tout à l'heure. Je m'avance pas. Du coup, voilà, donc on a disait Rennes-Marseille. On aura donc Orléans-Paris, ça c'est la bonne surprise pour Orléans. Alors non, c'était Paris-Orléans, mais match qui est inversé, puisqu'on rappelle c'est deux divisions d'écart. Le match est inversé. Hein. Le match se joue sur le terrain de la plus petite équipe. Désormais c'est ça la règle, donc deux divisions d'écart. On aura. Quoi, Clermont-Strasbourg aussi, match entre Ligue 1. Je crois que c'est tout, il y a ça entre Ligue 1. Monaco ira à Rodez en Ligue 2. Lyon ira à Bergerac en National 2. Là c'est pour Lyon c'est plutôt un bon tirage. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Après c'est beaucoup de clubs de National et de NSL 2 qui vont certains se rencontrer. Bordeaux-Nice, voilà, pour ça peut être une. Ça a été une belle affiche il y a quelques temps. Quelques années. Ouais. Voilà, puis on rappelle, donc pour Orléans-Paris, pour l'instant, le lieu du match n'a pas encore été décidé, puisque Orléans va refaire sa pelouse. Cette fois-ci, c'est officiel après que l'opération n'a pas pu se terminer, l'opération de sablage. Donc le terrain va être refait à zéro. Donc pour le 19 ou 20 janvier, ça va peut-être compliqué. D'autant plus que les températures sont négatives en ce moment, donc c'est vrai que ça peut être compliqué. L'autre alternative, c'est le stade démonté, donc à côté, où Orléans avait déjà joué son 32e de finale, mais un stade de 2000 places, donc autant vous dire que ça serait pas suffisant pour recevoir Paris. Et puis après, l'autre alternative, peut-être jouer à OCR, peut-être jouer à Tours, peut-être jouer au Parc, pourquoi pas inverser le match pour aller jouer au Parc des Princes, où là, il y aurait évidemment les places nécessaires. Donc voilà, pour l'instant, pas d'informations complémentaires. Évidemment, match pas encore, les places pas encore en vente. Il faudra patienter un petit peu pour en savoir plus. Voilà, donc c'est 16e de finale, 20 et 21 janvier, enfin 19, 20 et 21 janvier, même ça sera sur 3 jours, comme d'habitude. Voilà, donc la plupart des matchs en plus qui pourra être suivi en clair sur les antennes de France 3 Région, donc ça va être intéressant de suivre ces matchs. Et puis on refera le point sur tout ça d'ici là. Nantes-Laval, Nantes c'est l'un des clubs qui va recevoir aussi de Ligue 1, c'est l'un des seuls d'ailleurs. Donc ce sera face à Laval pour l'équipe de Nantes. Voilà cette Coupe de France. Le reste des championnats vont reprendre. National, on le disait, ça va reprendre là aussi ce week-end, 17e journée. Orléans va au Red Star, donc chez le leader. Ce sera vendredi à 19h30. Voilà, Red Star qui est largement leader, d'ailleurs, qui a 9 points d'avance hein, sur le deuxième, donc qui est vraiment au-dessus du lot pour le moment. En Ligue 2 aussi, bah, reprise ce week-end, voilà, avec la 20e journée. Voilà, ça sera samedi et lundi, on aura Auxerre-Bordeaux qu'on suivra. Belle affiche. Voilà, Auxerre qui fait une grosse saison, qui est deuxième pour l'instant. Et puis la Ligue 1 bien sûr aussi qui va reprendre, on va en parler tout de suite. Les pronostics juste avant. Les pronostics. Alors, on va faire quelque chose d'inédit. Oula. Puisque j'ai pas encore eu le temps de noter les matchs. On va marquer une toute petite pause. Et on va revenir dans 5 minutes, le temps de préparer ça. En plus on est en avance pour une fois. Alors on va en profiter. Ce soir tu n'auras pas un choix mais deux choix. De chansons, c'est fort. Et voilà, je te laisse le premier choix là tout de suite et tu auras le temps d'afficher pour l'autre. Ouais, tu me prends de court. Je me doute bien. Alors que c'est la pause, on rappelle en Cup, Wigan, Manchester United, les Red Devils qui mènent 1-0. On suivra une partie de la deuxième période dans un instant. Le temps, nous, de préparer la grille du loto-foot et on revient juste après ce titre qui est normalement choisi maintenant, si tout va bien. Ah. je suis en train de réfléchir. On va mettre un son qui passe partout. Un gâteau de feeling de Black Eyed Peas et voilà, c'est un peu à tout le monde. Ouais, ouais c'est très bien. Tu auras le temps de réfléchir pour le. Pour le prochain. Voilà. C'est parti. On y va. Ça dure 5 minutes. Ça me laisse le temps de préparer ça. Et on revient juste après pour pronostiquer tout ça, cette journée de Ligue 1. À tout de suite. Tonight's gonna be a good night. that tonight's gonna be a good, good night. I'm feeling ooh, that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I feel tonight's the night. Hey, let's live it up. Let's live it up. I got my money. Hey, let's spin it up. Let's spin it up. Go out and smash, smash it. Like on my car. Like on my car. Jump out that sofa. Come on. Let's get it off. Fill up my cup. Drink. Mazel tov. L'chaim. Look at the disc. Move it, move it. Just take it off. Let's paint the town. Paint the town. We'll shut it down. Shut it down. Let's burn the roof. Woo! And then we'll do it again. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. And do it. And do it. Let's live it up. And do it. And do it. And do it. And do it. And do it. Let's do it. Let's do it. Do it. Let's do it. Do it. Do it. Do it. Here we come. Here we go. We gotta rock. Rock. Rock. Rock. Easy come. Easy go. Now we on top. Top. Top. Top. Feel the shot. Body rock. Rockin' don't stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Round and round. Up and down. Around the clock. Rock. Rock. Rock. Monday. Tuesday. Wednesday. Retour après des Black Eyed Peas à l'instant, et on est de retour pour la dernière partie, 20h20, en dernière ligne droite de l'émission. Juste avant de faire les pronostics, t'avais des petites infos à nous donner, Hugo, petites infos mercato, bah c'est le moment, le temps de, que je termine cette petite grille. Tout à fait, je reprends mes petites notes, on commence par, pas une info mercato, mais un, une prolongation de contrat avec Steph Mandanda, donc qui rempile pour un an avec Rennes et qui est donc désormais lié avec le club breton jusqu'en juin 2025. On a aussi le défenseur portugais de Lille, Thiago Diallo, qui va partir normalement si tout se passe bien vers la Juve, puisque Lille a accepté une proposition de 3,5 millions d'euros. Voilà, il y a un accord entre les deux clubs, nous signale Fabrizio Romano sur X, anciennement Twitter. Fabrizio Romano qui est le spécialiste hein, des mercatos. Ensuite Raphaël Varane hein, qui pourrait être transféré dès cet hiver et donc partir de Manchester United hein, puisque le club manchilien cherche à dégraisser de la masse salariale et sachant que lui c'est le plus gros salaire du club. Voilà, il y a notamment les clubs saoudiens d'Al Nasser et d'Al Ittihad qui sont dessus, donc voilà, potentiel départ de Varane en Arabie Saoudite, en tout cas sûrement un départ de United. Ensuite on a Jesse Lingard hein, le milieu de terrain anglais de Nottingham, enfin qui est libre de tout contrat maintenant depuis son départ et qui va peut-être rejoindre le Barça, puisque le Barça en tout cas est intéressé. Mamadou Sakho qui va peut-être foncer vers la D2 brésilienne, voilà, vers du côté de l'Amazonas FC, selon la journaliste locale Larissa Balguero. En tout cas, 90% des détails seraient réglés entre le club récemment promu donc et le joueur. Alors ensuite, il y a eu le feuilleton Mbappé hein, qui a pas mal tourné aujourd'hui. Il y a eu 3-4 infos dans la journée. Alors tout début de la matinée à 8h15, un truc comme ça, voilà, il y a eu la bombe qui a éclaté, enfin même hier soir. Voilà, c'était une bombe lancée par les informations notamment de Foot Mercato hein, qui disait que voilà, un accord a été trouvé ces derniers jours avec l'attaquant français, donc entre le club et le clan Mbappé. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit en fin de matinée. On nous dit que les versions divergent, voilà, le clan Mbappé dément toute discussion, aucune décision n'aurait été prise par le joueur. Ensuite, vers midi, enfin le temps de midi en tout cas, Paris ne serait pas au courant de ces informations lancées par Foot Mercato et puis la presse espagnole, hein, surtout Foot Mercato n'a fait que redire ce qui a été dit en Espagne. Et puis vers 13h, voilà, donc c'est là que l'entourage d'Mbappé vraiment sorti du silence et a dit, je cite, il n'y a aucun accord autour de l'avenir de Kylian, d'autant qu'il n'y a pas de discussion entamée au sujet de celui-ci. Aucun type d'influence ne pourrait d'ailleurs dicter le timing de discussion, réflexion ou décision de Kylian. Voilà, sachant qu'il y a quelques jours, nos confrères de l'équipe disaient que, pour une fois, le feuilleton de Mbappé devrait aller vite, hein, le joueur aimerait ne pas encore rester 6 mois comme ça dans la tourmente. En tout cas, voilà, mon feuilleton Mbappé, voilà, c'est comme d'habitude encore aujourd'hui. Lundi blanc, l'autre dit noir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Jadon Sancho, hein, qui ne joue plus à United depuis plusieurs mois, avec des désaccords avec l'entraîneur Erik ten Hag, et donc c'est Dortmund, hein, son ancien club, qui va tout faire pour le rechoper, et en tout cas Sancho est prêt à retrouver dans son ancien club, donc c'est assez imminent. Jadon Sancho attend juste le feu vert de la part de United. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Renato Sanchez, des nouvelles du joueur qui est encore lié au Paris Saint-Germain. Ah oui. Lui qui est prêté à l'AS Roma, mais qui devrait revenir donc au PSG cet hiver. Hein, il est actuellement blessé. Alors sûrement pour mieux repartir. Hein, en tout cas, Besiktas et l'Olympiakos sont notamment intéressés par le milieu portugais. On commençait à dire tout à l'heure, du coup, oui, nouveau joueur à l'OM. Oui, c'est ça. Le milieu de terrain camerounais Jean Onana. Qui est notamment passé par Lille en 2022-2021, à Bordeaux en 21-22 et puis à Lens la saison dernière en 2022-2023. Il était là depuis le début de saison à Besiktas, mais donc il arrive à l'OM. Et pas forcément le type de joueur que j'attendais, mais en tout cas c'était le type de joueur qu'attendait Gennaro Gattuso, le coach. Voilà, il voulait un milieu de terrain, donc il est pour l'instant servi. Autre grosse info aussi, c'est que Nordi Mukiele, donc le défenseur latéral du PSG, est vraiment désiré par le Bayern. Alors le PSG qui serait pas trop chaud à le laisser partir, mais en cas de départ de Mukiele au Bayern, ils veulent reprendre de l'autre sens Joshua Kimmich, le milieu de terrain allemand, un très grand joueur. Il voudrait faire un échange, en plus de l'échange, bien sûr quelques millions d'euros, hein, c'est quand même Kimmich. Mais le Bayern, ça paraît assez compliqué de penser qu'ils vont laisser comme ça partir Kimmich et encore moins Thomas Tuchel. Donc voilà, en tout cas, le PSG cherche à faire cette opération aussi pour pallier le départ pendant quelques semaines d'Achraf Hakimi à la CAN, puisque Kimmich peut jouer autant milieu défensif que latéral droit. Mais en tout cas, voilà. Comment ça commence samedi d'ailleurs à la CAN Ça commence samedi, ouais. Samedi. Côte d'Ivoire contre je ne sais plus quelle nation, puisque c'est en Côte d'Ivoire, évidemment. Oui, c'est ça. Donc, je vais vérifier ça rapidement. La CAN. J'avais le match, oui. Voilà, Côte d'Ivoire-Guinée-Bissau. Donc, à 21h samedi. Match d'ouverture. Donc, voilà, bon, ça paraît compliqué à faire, hein, l'échange Kimmich-Mukiele. Mais en tout cas, ce que le PSG cherche à faire. Et puis, dernière petite info, du coup, ce serait l'arrivée imminente. Ça brûle en tout cas pour l'arrivée de Timo Werner, l'attaquant allemand, vers Tottenham, lui qui joue à Leipzig en ce moment, qui est revenu à Leipzig après son passage à Chelsea, déjà en Angleterre. Et donc voilà, ce sont les informations de Sky Germany. Voilà, Werner sera bientôt un joueur de Tottenham. Il était attendu ce lundi soir à Londres pour passer sa visite médicale demain. Donc voilà, ce serait un prêt avec option d'achat estimé à 17-18 millions d'euros. Voilà, donc Werner à Tottenham, c'est quasiment fait. Très bien. Et le mercato encore jusqu'à quand? Jusqu'au 31. Ah ok, tout le mois de janvier. Bientôt, le mercato, ça va être toute l'année, j'ai l'impression. Bon, ça a toujours été comme ça, le mercato d'hiver. Ça fait un mois. Ouais, un mois, ouais. Ouais, quand même, ouais. Comme ça, que c'est jusqu'au 31 cette année, à moins qu'il y ait je sais pas. Ok. Bon, bah écoute, on fera un point la semaine prochaine. Hein, pour l'instant, c'est calme. C'est quand même, ça va bouger. J'ai vu qu'il y a une arrivée aussi à Lyon, alors j'ai pas pris l'info, ça arrivait tardivement, mais j'ai plus le nom du joueur, mais ça bouge un petit peu. Ok, et prochain point lundi. Maintenant j'ai vérifié, donc pas de match, pas de but à l'extérieur pour la Coupe de la Ligue anglaise, pour la demi-finale. D'accord, ok, voilà. Donc c'est comme en Ligue des Champions là, ok. Exactement. Okay. Très bien, donc pronostic l'autofoot, on y est. Avant de démarrer, un petit historique de la dernière journée avant la trêve, avant les vacances. Ouais, moi j'ai été fidèle à moi-même, hein. Je suis dans ma moyenne. 5-2, voilà. Ah, 3, c'est quoi que t'as oublié? J'avais mis Brest vainqueur, j'avais mis Strasbourg vainqueur et Marseille vainqueur. Ok. Alors moi j'ai Paris, t'as mis bon, t'as eu bon, et Brest aussi, mais Marseille, Marseille a pas gagné hein, contre Montpellier. Par contre, attends, je suis pas sur la bonne. Moi j'ai. Ah oui, pardon. J'étais la dernière journée de la semaine. Paris, oui, pardon, Paris et Brest, c'est ça. Hein. J'ai quand même trois. J'avais mis Paris, Brest comme tu m'as dit, et j'avais mis Rennes aussi. Sauf que Rennes a perdu. Ah non, Rennes a gagné. Non, il a gagné. Moi j'ai Clermont. Attends, je te mets. T'as mis Rennes alors. Ouais, Rennes a gagné 3-1 à Clermont. Mais toi, t'avais mis Rennes. J'ai Clermont moi. Moi j'avais mis Rennes moi. Ah bon bah attends, je modifie alors. Bon, ça change pas grand chose. 5-3, c'est un petit peu mieux. On va remettre une musique. Allez. Alors un petit bilan la trêve. En termes de victoires, 14 victoires à 8. Pour moi. Et ouais. En termes de points, 68 à 52. Non, t'as dit 14 victoires à 8? Ouais. C'est quoi une victoire pour toi? Celui qui gagne le plus de points sur une journée. Attends, 14-8. Ça fait plus que 17, c'est ça que tu veux voir? Ouais. Ouais, mais c'est pourquoi que quand il y a des égalités, ça fait une victoire en fait, commune. Ah, d'accord, pardon, ok. Voilà. D'accord, okay. Bon, tu peux encore inverser la tendance, mais c'est maintenant. Ça démarre. Ouais, c'est là, faut que je me réveille. Ça démarre maintenant avec la 18e journée. Ça démarre vendredi avec Marseille 6e qui reçoit Strasbourg qui est 9e. Ouais, Marseille. Bah ouais, bon, moi aussi Marseille là. Je pense que c'est le moment ouais, de se relancer. Après le petit match nul. Ouais, à domicile en plus. Samedi. On commence d'abord avec Monaco, 3e qui reçoit Reims. 8e, ce sera à 17h. Moi, je vais mettre Monaco. Monaco aussi. On enchaîne avec Rennes-Nice ensuite. On a Rennes, donc 10e, Nice 2e. Est-ce que Nice va tenir la cadence ou moi, je vais dire que oui. Ce sera à 21h ce match. Je vais mettre match nul. C'est pas mal, c'est pas débile. Ouais, une chance sur trois. Hein, oui, mais c'est vrai que Rennes, c'était un peu moins bien ces dernières semaines, mais c'est peut-être le moment. Non, c'est Nice qui est un peu. C'est Nice. C'est un peu freiné aussi, mais. Ouais, bon, c'est moins régulier, ouais. Ouais. Bon, on verra. Donc, match nul, c'est peut-être pas si mal, ouais. On dimanche ensuite, on va avoir Lille-Lorient, Lille 5e, Lorient 17e, c'est à 13h. Moi, je vais mettre Lille sans problème. Ouais, je mets le masque aussi. Ouais, je pense que c'est. Même si c'est vrai que c'est depuis 3 matchs, ils gagnent plus. Là, ils vont se relancer face à Lorient, en plus qui est pas du tout cette saison. À 15h, on va avoir 4 rencontres. La première, c'est Nantes-Clermont. Nantes 13e, Clermont 18e. Et dernier, moi je vais mettre Nantes quand même. Ouais, moi aussi je pense à Nantes aussi maintenant. Ouais, pareil, clairement ils y sont pas non plus. Je crois qu'ils ne sont jamais été d'ailleurs. Ouais. On a Metz-Toulouse. Metz 14e, Toulouse 16e. Là je vais mettre un nul parce que. Putain, merde, moi aussi. Bah ouais, mais ça sent le nul quand même ça. Hein. Ouais, moi aussi, ouais. Non, bah je suis bon. Allez, nul. Brest-Montpellier. Brest est 4e, Montpellier est 12e, moi ce sera Brest. Ouais, Brest aussi. Ah oui, hein. Je pense. Bah, du coup, j'ai envie de changer pour pas qu'on se mette pareil, quoi, mais bon, Brest quand même. Parce qu'il faut que je me rattrape quand même. Bah oui, c'est ça. Donc, ensuite, on a à 17h05, on a Le Havre-Lyon. Le Havre est 11e, Lyon est 15e. Lyon va mieux. Et moi, je pense que Lyon va gagner encore. Lyon va mieux, c'est vrai. Je trouve quand même toujours forcément des imperfections. Oui. Après, Le Havre parfois, c'est costaud. Je tente un risque encore une fois. C'est pour changer aussi. Non, je vais mettre match nul. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ça peut être un nul aussi, ça. Et enfin, là c'est la belle affiche de 20h45, Lens Paris. Lens qui est 7ème, Paris bien sûr leader. Mais voilà, moi, normalement, sans trop de problèmes, Paris, je mets 3 buts à 1. Putain, sérieux? Je viens de l'écrire aussi. Bah, c'est pas grave. Ouais, on a quasiment tout pareil. Bah, on en a 2 différents. Ouais, bon. Donc, bon, bah, c'est tout. Bah, faudra, ça se jouera sur Lyon et ça se jouera sur Rennes-Nice. C'est ça. Voilà, bon, bah. Bon, bah, voilà. En tout cas, tu seras pas si loin cette fois-ci de moi. Ouais, je vais faire ça à chaque fois en fait. On peut faire 2 points, on peut faire 2 et 2 aussi, hein, c'est possible. Ouais. Par contre, ça veut pas dire qu'on va être bon, mais. Ouais, c'est sûr. Faire l'écart sera peut-être moins important. Ok, et bah, c'est noté. On verra ça la semaine prochaine. On va finir avec l'agenda de la semaine. Toujours 1-0 pour United. Il reste à une grosse demi-heure face à Wigan, mais bon, ça attaque toujours du même côté. Mais l'écart n'est pas fait. Donc voilà, il va falloir continuer à attaquer pour United. Il reste une grosse demi-heure. Donc c'est sur Bein Sport 1 si vous voulez regarder. C'est la fin de cette rencontre. Cette semaine, donc du foot bien sûr avec. Déjà toute la semaine, il y a déjà des matchs en coupe, hein, pas mal de coupes hein, en Angleterre. Oula, la grosse frappe encore, c'est arrêté. Regarde, Wigan, ça fait toujours 1-0. En Angleterre et en Italie, voilà, en Espagne aussi, il y aura de la coupe. Voilà, donc il y a de quoi faire cette semaine. Et puis ce week-end, bah, tous les championnats, bien sûr, qui se poursuivent et puis qui reprennent pour la France. Et pour l'Allemagne, du rugby, ce sera la troisième journée des Coupes d'Europe ce week-end aussi. En tennis, dernière répétition avant l'Open d'Australie cette semaine pour certains joueurs qui vont s'engager dans les tournois de la semaine. On aura du basket, pas encore, c'est toujours la trêve pour le moment, reprise. Reprise la semaine prochaine, voilà, là on est toujours en pause. Non, reprise ce week-end, non, c'est bien ce week-end, pardon. Orléans, déplacement à Boulazac pour essayer de relancer un petit peu la série, puisque ça c'est la saison, l'année s'est mal terminée, donc pour essayer de relancer ça. On aura le début de l'Euro en handball chez les hommes. Ce sera mercredi pour l'équipe de France qui jouera face à la Macédoine du Nord, et ensuite il y aura un deuxième match. Pour l'équipe de France, ce sera face à la Suisse dimanche soir. Voilà, enfin à 18h pour les deux matchs. Donc le début de l'Euro et voilà donc pour le handball. Et puis qu'est-ce qu'on a encore? On aura la suite du Dakar, hein, deuxième semaine. Voilà, donc ce sera toute la semaine bien sûr. Et puis en biathlon, nouvelle étape cette semaine, ce sera Rubolding pour l'étape qui va avoir lieu cette semaine. Voilà le programme de la semaine, donc beaucoup de choses encore à suivre. Nous on va se donner rendez-vous la semaine prochaine. On est presque à l'heure, 22h36. On est pas mal. On est pas mal ce soir. Donc, c'est vrai qu'il y a moins de choses aussi, donc c'est normal aussi. On se quitte avec le dernier choix. j'ai réfléchi ça pendant que tu faisais ton petit agenda. J'ai envie de rester dans le thème du foot, hein. Du coup on va se prendre une petite musique de Coupe du Monde, on va dire. Bon pareil, on va rester dans ce que tout le monde, on va dire, connaît et aime. Je te propose We Are One de Pitbull et Jennifer Lopez. Voilà. Allez, très bien. Une bonne musique de Coupe du Monde. C'est quoi ça? C'était 2014. Ah, 2014 déjà? Je crois, ouais. Ah ouais. Ah ouais, ça remonte déjà. Hein. Je pensais que c'était un peu plus vieux que ça. Bah 10 ans, presque. Bah, enfin. Non, ça je regarde la cover du. Ouais, il y a le logo de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Olé, olé. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok, et bah on part là-dessus. Hugo, merci à toi. Bah, merci à toi. Donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure. D'ici là, portez-vous bien. Bonne semaine à vous. Bonne reprise pour ceux qui ont repris. Et vive le sport. Ciao. Ciao. Let's all get going. One love, one life, one world, one fight. Whole world, one night, one place. posso. Quando eu chamo o mundo inteiro pra jogar, é pra mostrar que eu posso. Torcer, chorar, sorrir, gritar. Não importa o resultado, vamos estar. São dos Happy Mess, Perder o Pé, e dentro de instantes vamos ficar com o Tiago Emanuel Santos à conversa com Virgílio Duarte.